إلا واحد، ثم سحبهم على وجوههم حتى ألقوهم في جهنم، ناجوا من أسنانها وصاحوا من أطرافها، فقالوا يا ملك قد حق علينا الوعيد، يا ملك قد قدم الحديث، يا ملك قد رضي ضمن الجنود، يا ملك أخرجنا منها فإنا لنعود، ولكن هيهات هيهات، هيهات من فقط في الواجبات والطاعات، هيهات من جعل حظه من الدنيا ارتكاب المعاصي وكان المنكرات، هيهات من هلك نفسه بانواع الموبقات وسموم الشهوات، هيهات من نسي يوم العرض الاكبر على رب الارض والسماوات، ثم يقول سبحانه بغلق ابواب جهنم، وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة مغلقة في عمل ممددة، فإذا أغلقت عليهم الأبواب وتيقنوا الهلاك والبوار وعلموا أن لا أحد بإمكانه تخصيصهم مما هم فيه من العذاب والدمار، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا لأصحاب السعير، وقالوا ربنا قد صدنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، وقالوا ربنا فلنت علينا شكوتنا ولكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال تعالى وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. اقول ما تسمعون استغفر الله الحمد لله حق حمده والصلاه والسلام على نبيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. قال محمد بن كعب رضي الله تعالى عنه لاهل النار اربع دعوات يجيبهم الله في ثلاثه، فاذا كانت الرابعه لم يتكلموا بعدها ابدا. دعوه الله يقولون ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ فيجيبهم سبحانه ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العزيز. الثانيه يقولون ربنا اقرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، فيجيبهم سبحانه أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكتم في مساجد الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فيزيدون الثالثة فيقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيجيبهم سبحانه أولم نعمركم هذا 10 سنة هذا 30 هذا كذا أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من مصير. ثم يقولون في الرابعة ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيجيبهم سبحانه اختفوا فيها ولا تكلمون. ثم يبتدي الموت على هيئة الكبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي منادي يا أهل الجنة خلودنا الموت، يا أهل النار خلودنا الموت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، فيقول المجرمون آنذاك سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. وأما المؤمنون الذين كانوا يخافون الله في الدنيا حريصين على مرضاته واجتناب مساقطه يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، فطوبى لمن لم تشغله دنياه عن آخرته، وطوبى لمن جعل همه مرضاة ربه، وطوبى لمن عمل بذلك اليوم فشمر على يده، وطوبى لمن جاهد نفسه بالله حق جهاده. وانتم تلاحظون انه لا بد للانسان ان يموت وانها ساعات او اشهر او سنوات فقط، ولابد لكل واحد ان يقف بين يدي رب العالمين ليسأله عن كل صغيرة وكبيرة، وليسأله ايضا عن هذه النعم العظيمة وهي الجوارح، عن العينين الى ماذا كان ينظر بهما، واليدين والرجلين، وعن ذلك العضو. لابد ان يسأل عن كل شيء، لان هذه النعم اعطاك الله اياها لتجعلها في بعض حتى تتقرب بها اليه. لكن من كان يستعملها في المعاصي كالذي يجلس يقابل التلفاز وينظر في القنوات الى كذا وكذا من حرام، ويملك على الرجل فوق المرقى الى غير ذلك، فحذاري في ذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفع الندم، لان الله عز وجل اعطاك هذه الجوارح لتستعملها في طاعته. ولكن الانسان كفور، والانسان يغره الشيطان، وفي ذلك اليوم يريد ان يبكي ويستحسن، لكن الله عز وجل لا يقبل منه شيئا ولا يقبل عذرا، لان اعطاه عقلا وبين له وارسل اليه الرسل وانزل الكتاب وقال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وانت تاتي وتجلس وتنظر ولا تستحي من الله ولا تخاف منهم، ثم تاتي للمسجد وتصلي وتقول اياك نعبد واياك نستعين، ابدا، انما تعبد نفسك ولا تعبد الله عز وجل. لو كنت تعبده تستحييه وقلت لا يحل لي ان انظر الى هذا، هذا من اعظم الذنوب. وادهى والادهى الامر ان بعضهم يصور مثل هذه الامور العظيمه ويرسلها الى الاخرين عبر الانترنت وغيره. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا وفي الاخره، والله يعلم وانتم لا تعلمون. لأن بعضهم يقول الله يقول لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، أنا لا أرى يتعذب، هو في سيارة صحراء في قصور. قال الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم أن هذا بعد شهر بعد سنة سيأتيه المرض الخطير، وأني سأقسم له بكرا وأني سأبتليه بكذا وكذا، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك السميع مجيب الدعوات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واجعلنا هداة المهتدين ورحم الصالحين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي، وقبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى أسأل أخانا هلال، فيه صوت بارك الله فيك هلال، فيه صوت، إذا كان فيه صوت تخبروني جزاك الله خيرا. أخي هلال هل فيه صوت بارك الله فيك؟ طيب، ممكن الأخ هلال ليس موجودا معنا. الأخ عبد القادر فيه صوت؟ الأخ عبد القادر فيه صوت، أما أنه ليس. جزاك الله خيرا. قلت طيب، كنت أريد أن أقول شيئا. نعم شكرا. قلت فيما يخص كالعادة أقول دائما نفس الكلام، فيما يخص من يريد أن يعينني في الترجمة إن شاء الله تعالى، سواء كان أخا أو أختا، يرفع فقط يده وأنا إن شاء الله نحيله الأحمر هذا حتى يعيننا في الترجمة bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Quiconque des frères ou des sœurs voudrait m'aider dans la traduction, surtout celui qui connaît les deux langues, surtout le français, yani seulement il lève la main, je lui enlève le rouge inshallah ta'ala pour nous aider. قلت وما زلت اقول لا شك ان تعلم العقيده هو اعظم شيء يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى، ولهذا ما زلنا مع العقيده وما زلنا يعني نحاول ان يعني نرسخ ما نتعلمه حتى يتجذر في القلب. فالانسان ان شاء الله تعالى بعد ذلك لا يزيغ ابدا ويلقى الله عز وجل وهو عنه راض، إذا كان الذي ترسخ في قلبه هو الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم. Donc nous sommes toujours avec la aqida inshallah ta'ala. On va parler un peu des attributs et de l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le trône. Et comme vous savez, la aqida c'est la chose la plus essentielle. Car à quoi ça sert par exemple que je connaisse le fiqh par exemple, ou que je connaisse la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je suis un égaré dans la aqida, si ma aqida est une aqida de mu'tazila ou de jahmiya ou de asha'ira ou de shi'a, ou là, quoi ça me sert de connaître bien le fiqh? Le fiqh bien sûr c'est très important, mais comparé à la aqida, c'est la aqida qui doit être en premier lieu chez le musulman, chez le croyant, chez spécialement chez le salafi, parce que celui qui n'est pas salafi ça l'intéresse pas à la aqida, au contraire il va dire laissons la aqida de côté car la aqida nous disperse. Comme disait leur grande tête Hassan Benna, il disait ne parlons pas d'aqida, la aqida nous disperse, nous on voudrait qu'on soit nombreux, l'essentiel c'est qu'on soit nombreux, c'est l'essentiel. Maintenant si on parle d'aqida, lorsqu'il est ash'ari, lorsqu'il est mu'tazil, donc ça va nous disperser. Nous on dit c'est le contraire, nous on dit on voudrait, même si je suis seul, mais je voudrais avoir une aqida vraie, solide et sahiha et juste. Ça m'intéresse pas le nombre, c'est Allah Azza wa Jal ou alladhi yansur, c'est pas le nombre qui va gagner, mais c'est Allah Azza wa Jal, innahu yudafi'u an alladhina amanu wa huwa alladhi yansuru al-muslimin wal-mu'minin. Et est-ce qu'en Algérie ou en Égypte ou là ailleurs, est-ce que quand ils ont laissé la aqida, est-ce qu'ils ont gagné ou là ils sont arrivés à un but? Est-ce qu'ils sont arrivés à un but en Algérie ou là l'Ikhwan au Soudan ou là en Égypte ou là yani Somal ou là partout, est-ce qu'ils sont arrivés un jour? Ils sont pas arrivés, ils n'arriveront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas suivre le minhaj des prophètes. Je dis pas du prophète mais des prophètes qui sont venus et ont commencé par la aqida. Ceux-là, ils ont dit, on commence par quoi? On commence par la politique. On commence par la politique, on commence par le gouverneur, on va essayer de l'enlever, et du haut, on va commencer à nuslih al-umur. Alors que tous les prophètes sont venus pour commencer par le bas, pour commencer par apprendre aux gens la aqida. Ceux-là, ils ont dit, non, on commence par le haut, on commence par le gouverneur, le parlement, on commence par le wizara, on commence le gouvernement, ensuite inshallah ta'ala la aqida c'est la dernière des choses. Nous on dit quiconque dit cela c'est un égaré, premièrement dans la aqida, deuxièmement dans le minhaj, il est égaré, il est loin du minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque dévie de la route que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé ne peut pas arriver, et s'il arrive il ne peut pas tenir. S'il arrive au gouvernorat et il tient le hukouma hadi, il peut pas tenir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sur le vrai minhaj, et il va tenir un mois, deux ans, un an, deux années, ensuite il va trouver qu'il ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le vrai chemin. Revenons à ce qu'on disait, on a parlé la fois passée des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a parlé de ses noms, on avait dit que chaque nom avait un attribut. Kullu ismin min asma Allah subhanahu wa ta'ala yatadammanu sifatan walisa al-aks. Quand tu dis par exemple Allah Azza wa Jal huwa Sami', ça veut dire que il y a à l'intérieur de Sami', c'est un nom, il y a un attribut, certains disent un épithète, Sama'. Quand tu dis le Basir, il y a à l'intérieur le Basar. Quand tu dis Rahim, il y a Rahma. Chaque nom كل اسم يتضمن صفة وليس العكس. Chaque nom, en chaque nom est inclus un attribut ou un épithète. Et le contraire n'est pas vrai. Le contraire n'est pas vrai. Connaître Allah Azza wa Jalla avec ses noms et ses attributs, quand on connaît Allah Azza wa Jalla avec ses noms et ses attributs, là on commence à l'aimer. La mahala. On est obligé de l'aimer. Parce que quand on ne connaît pas Allah Azza wa Jalla, on ne connaît pas son nom et ses attributs, on ne connaît pas qui on est en train d'adorer. On adore l'Adam. On adore l'Adam. Parce que pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, on adore. On ne sait pas qui on adore. On ne connaît pas ses noms et on ne connaît pas ses attributs. On adore l'Adam. On adore le néant. On adore le néant. On dit à quelqu'un, dis-moi ce que tu sais d'Allah subhanahu wa ta'ala, donne-moi quelques attributs, quelques noms. Il ne sait pas. On va dire Allah Azza wa Jal, Ghafour, Rahim, ça s'arrête là. Il ne sait pas que Allah Azza wa Jal, par exemple, Yidhak, il rit, que Allah Azza wa Jal descend au ciel du bas monde chaque nuit, le dernier tiers. Il ne sait pas que Allah Azza wa Jal, Ya'jab. Il ne sait pas que Allah Azza wa Jal, Yidhak. Il ne sait pas que Allah Azza wa Jal, il a deux mains, qu'il a deux yeux, qu'il a. Il ne sait pas tout cela. Alors, il est en train d'adorer qui en fin de compte? Il est en train d'adorer quelque chose ou là, quelqu'un ou là, mais ce n'est pas Allah Azza wa Jal qu'on adore nous. Celui qu'on adore nous, on le connaît, il a des noms et des attributs très connus, il s'est décrit dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le connaît mieux que tout le monde, nous l'a décrit. Donc dire que la aqida n'importe pas, c'est dire qu'on n'est pas intéressé de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ma'adallah. Quiconque dit la aqida n'est pas intéressante, on commence par la aqida, ça veut dire je ne suis pas intéressé de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. La yahumuni an a'rif Allah azza wa jal bi sifatihi wa asma'ihi. On avait dit que le hadith qui dit que Allah azza wa jal avait 99 noms, que ça ne voulait pas dire qu'il n'a que 99 noms. Le hadith alladhi warada wa huwa sahih أن لله سبحانه عز وجل 99 اسما لا يدل على أن لله فقط 99 اسما، إنما ذكرنا معناه أن معنى هذا أن هناك 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لكن لازم من هذا أن لا تكون لله أسماء أخرى كما هو المذهب الأرجح والصحيح، وفي ذلك أدلة ذكرناها إن شاء الله تعالى. Donc quand on dit que Allah Azza wa Jalla a 99 noms, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas d'autres, parce que le juste c'est qu'il en a d'autres, il en a plus de 99. Peut-être qu'il en a des milliers, personne ne le sait sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a 99 noms, qu'il les connaîtra, rentrera au paradis, ça veut dire, comme j'ai toujours dit, comme moi par exemple, j'ai deux voitures à vendre, ça ne veut pas dire que j'ai seulement deux voitures. J'ai peut-être 10 ou 20 voitures, mais parmi les voitures à vendre, j'en ai que deux. J'en ai deux à vendre, mais j'ai encore 5 ou 6 autres voitures. Là, quand il a dit il a 99 noms, ça veut dire 99 noms spécialement pour quiconque les connaîtra, il les comprendra bien sûr et les appliquera, entrera au paradis. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas d'autres, comme dans l'exemple que je viens de donner. Il a dit la insan. Les dirhaman ou les dinaran, les sadaqa, ليس معناها اني لا املك الا دينارين لا املك المال الكثير لكن عندي ديناران فقط للصدقه. نفس الشيء الله عز وجل له اسماء كثيره لكن له فقط 99 من احصاها دخل الجنه. اولا deuxièmement les 99 noms ليس في حديث صحيح يدل على تعيينها يدل ليس في حديث صحيح كل احاديث الوارده في تعيينها هي ضعيفه. فليس أحد يملك هذا الفضل أنه يعرف ما هي بالضبط هذه 99 اسما اللهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ذلك في حديث صحيح لم يؤثر عنه ذلك. Les 99 noms, personne ne les connaît exactement quels sont ces noms, les 99. Beaucoup d'ulama ont essayé de les grouper comme ça par exemple et de dire ce sont les 99 noms, mais personne en fin de compte, il n'y a pas hadith sahih qui dit voilà les 99 noms, voilà les 99 noms. Chez Ahar, en ce qui concerne les noms et les attributs, il y a deux grandes sectes qui se sont égarées dans les noms et les attributs. Numéro c'est l'asma ou sifat, في على الأقل طائفة كبيرة ضلت الطريق. الطائفة الأولى تسمى المعطلة. La première secte qui s'est trompée et qui s'est égarée s'appelle المعطلة. والمعطلة سميت المعطلة لماذا؟ لأنها تعطل الأسماء والصفات. ما معنى تعطل؟ يعني تعطل يعني لا يعني en français on dit elle nie. C'est une secte qui a nié les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالمعطلة تنكر ما وصف الله به تعالى نفسه أو ما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. ولهذا سميت معطلة لأنها تعطل. Donc la première secte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nie. Et les ulama l'ont appelé المعطلة. Lorsque Allah Azza wa Jalla a dit qu'il a par exemple deux mains et qu'il a une main, qu'il a des yeux, le mu'attil a dit non, elle n'a pas. Allah Azza wa Jalla n'a pas. Allah Azza wa Jalla n'a pas de main, n'a pas d'yeux, ne rit pas, ne descend pas, etc. Ne vient pas, il n'a pas le pied. Ça s'appelle mu'attila. Elle nie. C'est une secte qui nie. C'est une secte bien sûr très dangereuse. Le mu'attila تنكر صفة الله عز وجل ولا تثبتها لا تثبتها. فإذا قال أخبر الله عن نفسه أن له يدا مثلا تقول هي لا ليست عنده يد ولا رجل ولا عينا ولا يضحك ولا ينزل ولا يعجب ولا يجي يوم القيامة ولا ينزل إلى السماء الدنيا وهكذا. هذا يسمى معطلا. نقول فلان من المعطلة كالجهمية وغيرهم. Donc la première secte c'est ça s'appelle la Mu'attila. C'est une secte, comme on a dit, une secte très très très dangereuse, très dangereuse. Pourquoi? Quelle est sa raison? Elle dit que Mu'attila, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit si je dis que Allah Azza wa Jalla a une main ou la deux mains et que je dis par exemple qu'il rit et qu'il descend et qu'il ceci cela, donc je l'ai fait ressembler à ces créatures. C'est ainsi que dit la Mu'attila. Elle dit alors moi je dis pas qu'il a deux mains, je dis pas qu'il descend, je dis pas qu'il rit, je dis pas qu'il a les yeux, etc. Pourquoi? Pour ne pas le faire ressembler aux créatures. Car les créatures ont deux mains, les créatures, l'homme rit, l'homme descend, monte, etc. Donc moi je dis pas comme ça parce que sinon ça veut dire que Allah Azza wa Jalla ressemble aux créatures. Et dans le mu'attila tunkir sifat wa kada limada li annaha ta'taqid أن ذلك يلزم منه ماذا؟ يلزم منه التشبيه. التشبيه بماذا؟ بالخلق. يلزم منه التشبيه بالخلق. ونحن نقول لا يلزم من ذلك التشبيه أبدا. لا يلزم من ذلك التشبيه أبدا. إذا قلنا نحن يد، الله عز وجل له يد، من قال لك إن يده مثل يدي؟ أنت تتكلم مثلا عن إنسان تقول له يد، تتكلم عن مثلا حيوان تقول له يد، تتكلم عن إنسان تقول له رجل، عن حيوان له رجل، تتكلم عن إنسان تقول له رأس، الفار أيضا له رأس، والثور له رأس، والحمار له رأس، هل هو نفس الرأس؟ أبدا. إذا لا يلزم من التشبه في المسمى أن يكون هناك تشبه في الكنه أيضا وفي الحقيقة. Donc quand on dit que moi j'ai une tête, l'être humain a une tête, et on dit que la fourmi a une tête, est-ce que les deux têtes sont pareilles? Quand on dit j'ai une main, quand on dit le chat a une main, est-ce que ma main c'est comme la main du chat? C'est impossible. Donc quand on dit que Allah Azza wa Jalla a des attributs, ça ne veut pas dire que ces attributs sont comme nos attributs. Quand on dit Allah Azza wa Jalla a deux mains, ça ne veut pas dire deux mains comme nos deux mains. Ça ne veut pas dire deux mains avec des ongles, avec des pores, avec... Non, je dis il a deux mains parce que lui il a dit qu'il a deux mains. Je ne cherche pas à comprendre. Je reconnais, j'atteste qu'il a deux mains. C'est tout. Voilà, Sunna ou Jama'a, comment qu'ils disent. Ils disent que tout ce que Allah Azza wa Jalla a dit qu'il a, je dois attester que vraiment il l'a. Et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah azza wa jalla a, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit Allah qu'il a ceci ou cela, je dois dire oui, il a ceci ou cela, Mais ceci ou cela, ce que Allah Azzawajal a, ne ressemble jamais à ce qu'ont les créatures. Ne ressemble jamais à ce qu'ont les créatures. Celle-là, c'est la première secte. Elle s'appelle la Mu'attila. Elle nie. Et la deuxième secte, qui vient juste, yani, elle contredit la première secte, elle s'appelle Al-Mushabbiha. Al-Mushabbiha, je ne sais pas à peu près comment on va dire ça en français. C'est une secte qui, non seulement elle dit Allah Azza wa Jal a ces choses, mais elle dit ces choses-là ressemblent aux choses des personnes. En français, ça s'appelle, cette secte, on l'appelle, je lis ici, c'est écrit devant moi, c'est écrit anthropomorphiste. Anthropomorphiste. Al-Mushabbiha. Je vais l'écrire ici, si je peux. Si je peux, je vais le mettre dans la salle ici. Al-Mushabbiha. Ou les anthropomorphistes. Et la première, je vais la citer aussi, elle s'appelle, j'aurais dû commencer par elle, elle s'appelle Mu'attila. Elle s'appelle Mu'attila. Ah, Mu'attila. Al-Mu'attila. Ce sont ceux qui nient les noms et les attributs de Dieu. Et Dieu ici, c'est bien sûr, c'est Allah. Beaucoup d'ulama disent Dieu, parce que certains disent on ne dit pas Dieu, mais beaucoup d'ulama disent Dieu. Le vrai Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit Allah, c'est son nom, c'est l'un de ses noms. Le plus beau nom, c'est Allah. Mais quand on dit Dieu, c'est yani sifa. Je disais, donc les deux grandes sectes, la première, Al-Mu'attila, elle nie, Al-Mu'attila, tunkir sifat, ou Al-Mushabbiha, mada al-fi, Al-Mushabbiha, elle fait ressembler, elle dit, c'est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, mais comme les mains des personnes. Allah azza wa jal rit, il rit comme les personnes rient. Ça veut dire il a avec la bouche, les dents, la langue, et il commence à rire. Allah azza wa jal, il s'étonne, yani, ya'jub, yani, il s'étonne comme une personne s'étonne. Yani, et ainsi de suite. Et bien sûr, les deux sectes sont des sectes égarées. Parce que la première secte, Al-Mu'attila, qui nie ni tous les attributs et les noms de Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, quand elle adore quoi? Elle adore le néant, l'adam. Al-Mu'attila, ta'boudou l'adam. Parce que Al-Mu'attila, puisqu'elle nie les noms et les attributs, donc elle adore un Dieu qui n'a pas de noms et d'attributs. Donc elle adore le néant, elle n'adore rien. Al-Mu'attila, ta'boudou, mada ta'boudou adam. Ou Al-Mushabbiha, elle fait ressembler. Donc elle adore qui le Mushabbiha, elle peut ressembler à Allah au créateur. Elle adore, comme disent les ulama, elle adore Sanaman. Elle adore une statue. Parce que pour le Mushabbiha, Allah subhanahu wa ta'ala ressemble aux personnes. Donc elle adore une statue. C'est pour ça que les ulama disent Al-Mu'attila, ta'boudou mada, ta'boudou anaman, adaman, ou le Mushabbiha, ta'boudou Sanaman, ou le Sunni Salafi, ya'boudou ilahan fardan samadan. Voilà la différence. Al-Mu'attila, ta'boudou mada, ta'boudou adaman, le néant. Al-Mushabbiha, ta'boudou sanaman, ils adorent une statue. Ou Al-Sunna ou Al-Jama'a, ya'boudouna ilahan fardan samadan. Ensuite, lisez le verset, yani, l'azim, que Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, mais les gens, yani, la yatadabbarun al-Qur'an. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, je vais les. Je vais l'écrire. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Regardez bien ce verset. Allah Azza wa Jalla, quand il a dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir. Je l'ai écrit à peu près en français, le faux français. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir. Regardez, c'est un seul verset. Ce verset se divise en deux grandes parties. La première partie, Laysa kamithlihi shay'un. La deuxième partie, wa huwa as-sami' al-basir. Avec la première partie, Laysa kamithlihi shay'un, on refute, on frappe qui? On frappe le mushabbiha, on frappe les ressembleurs. Quand quelqu'un ressemble Allah à une créature, on lui dit, arrête, tais-toi. Laysa kamithlihi shay. Il ne ressemble à rien. Laysa kamithlihi shay. Donc la première partie de ce verset, c'est pour frapper les ressembleurs, le mushabbiha. Et la deuxième partie, wa huwa sami'ul basir, c'est pour frapper le mu'attila, pour frapper les nieurs, ceux qui nient. Ils disent non, Allah Azza wa Jalla n'a pas d'attribut. On lui dit tu as menti. Allah Azza wa Jalla a dit wa huwa as-sami' al-basir. Il écoute et il voit. Huwa as-sami' al-basir. Non seulement il écoute et il voit, mais c'est lui. Yani, ce sont des noms, ce ne sont pas des attributs ici. Donc un seul verset, on peut frapper les deux sectes égarées. Laysa kamithlihi shay, on frappe avec ça la secte égarée qui s'appelle Al-Mushabbiha, qui fait ressembler, qui dit Allah Azza wa Jalla a des mains comme des personnes, il rit comme on rit nous, il vient comme on vient nous, comme ça en marchant avec des pieds, etc. On lui dit tu as menti. Laysa kamithlihi shay. Allah Azza wa Jalla ne ressemble pas à ces créatures, c'est impossible. Et si au contraire la deuxième secte va dire donc Allah Azza wa Jalla n'a pas de main, il rit pas, il ne vient pas, il ne descend pas, etc. On lui dit pourquoi tu dis ça? Il dit parce que pour ne pas ressembler aux créatures. On lui dit tu t'es trompé, tu as menti. Allah Azza wa Jalla a dit wa huwa as-sami'ul basir. Il a dit que il écoute et il voit. Est-ce que Allah Azza wa Jalla, tu dis qu'il écoute ou là tu dis qu'il n'écoute pas? Il entend ou là il n'entend pas? Si tu dis il n'entend pas, on dit kafart. Kafart, tu es devenu mécréant car tu as dit que Allah Azza wa Jalla n'entend pas. C'est un sourd. Allah Azza wa Jalla, c'est un sourd. Et si tu dis il entend, tu dis khlas, il entend. Ah, je te dis attention, tu as dit quelque chose de grave. Tu vas me dire qu'est-ce que j'ai dit? Tu vas dire tu as dit qu'il entend et moi aussi j'entends. Moi j'entends. Donc tu as fait ressembler Allah à ses créatures. Et donc il ne trouvera que la solution la plus vraie, la juste du prophète et des compagnons du Salaf Salah, c'est de dire il entend, mais il n'entend pas comme entendent les créatures. Et tu dois dire tout cela dans tous les noms et dans tous les attributs. Dans tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois marcher avec cette règle. Quelle est cette règle? Je le décris comme il s'est décrit et comme son prophète alayhi salam l'a décrit, sans le faire ressembler à quiconque. Et quiconque dit, si tu le décris, tu l'as ressemblé. Si tu dis l'Azza wa Jal voit, ça veut dire que tu l'as ressemblé aux créatures, parce que les créatures voient. Moi je vois, la chèvre voit, la vache voit, donc on l'a ressemblé aux créatures. Quiconque dit cela, on lui dit, écoute, arrête. Et écoute-moi 2 secondes seulement. Allah Azza wa Jal, il est vivant, hay, am laysa bi hay. S'il dit il n'est pas hay, il n'est pas vivant, on lui a dit kafart. Donc Allah Azza wa Jal n'est pas vivant, donc il n'existe pas. Mais il est mort, kafart. Il est obligé de dire il est vivant. Non, Allah Azza wa Jal hay. On lui dit, mais si tu dis hay, tu as dit quelque chose de grave d'après toi. Pourquoi? Parce que moi aussi je suis hay, je suis vivant, et toutes les créatures sont vivantes, donc tu l'as ressemblé aux créatures. Donc il est obligé de dire khalas. Donc il est vivant, hay, mais une vie pas comme celle des créatures. Et on va marcher avec lui dans tous les noms et dans tous les attributs. Allah Azza wa Jalla, on va lui dire il a une main. S'il va dire non, il n'a pas de main, on lui dit kafart. Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le Coran, khalaqtu bi yadi. Il a dit yadah mabsoutatan. Et s'il dit, mais si je dis Allah Azza wa Jal, bon, je vais dire donc il a une main. Je lui dis alors tu l'as ressemblé à toutes les créatures, parce que nous aussi on a des mains. Donc il ne reste que la seule solution, c'est de dire, donc je reconnais que l'azul a une main ou l'a a deux mains, mais pas comme les mains des créatures. Et ainsi la règle, c'est ça la règle générale. Tout ce que l'azul a dit, je dis, il l'a dit, je le décris comme il s'est décrit, mais jamais sans le ressembler à ces créatures. Voilà en ce qui concerne à peu près les noms et les attributs et la règle avec laquelle on doit marcher dans les noms et dans les attributs. Maintenant, pour passer à la deuxième chose, je veux passer à la deuxième chose, de revenir pour parler encore sur le trône et parler de Allah subhanahu wa ta'ala, annahu mustawin ala l'arsh. Avant cela, je voudrais résumer un peu. Comment je vais résumer? Je vais dire, vous savez que un sunnah ou jama'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, le tabi'un, tous ont dit Allah azza wa jal mustawin ala arshi. Allah azza wa jal est établi sur le trône, sur son trône. Le trône, ça s'appelle l'arsh en arabe. L'arsh en arabe, c'est le serir. Et c'est aussi la chose sur laquelle s'assoit le gouverneur pour donner ses ordres. En ce qui concerne les créatures, bien sûr. En ce qui concerne Allah Azza wa Jal, l'arsh, c'est un makhlouq azim jiddan, la ya'rifu qadrahu illa Allah Azza wa Jal. Et le trône, je l'ai déjà dit, c'est le plafond du paradis du Firdaus. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, quand vous demandez Allah Azza wa Jal le paradis, demandez-lui le Firdaus. Pourquoi? Parce que son plafond, c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Firdaus, le paradis, il y a beaucoup de paradis, il y a des milliers de paradis, je ne sais pas combien qu'il y a. Le meilleur, c'est le Firdaus. Pourquoi? Parce que son plafond, c'est le trône de Allah Azza wa Jal. Alors que les autres paradis, leur plafond, c'est un plafond que seul Allah sait comment il est, mais ce n'est pas le trône d'Allah Azza wa Jal. Donc les gens, Al-Sunna wa Jama'a, yaqulun Allah Azza wa Jal mustawin ala arshih, Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. Et l'imam Al-Dhahabi, l'un des plus grands savants, a écrit un livre, il s'appelle Ulu Ali Al-Ghaffar, Ulu, que Cheikh Al-Albani, il a fait un tahqiq. Et ce grand savant a commencé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les hadiths, ensuite tous les sahaba, ensuite tous les tabi'in, ensuite tous les grands savants qui ont dit que Allah Azza wa Jal était sur son trône. Et ceux qui disent que Allah Azza wa Jal n'est pas sur son trône sont obligés de dire qu'il est partout. Et quand quelqu'un dit que Allah Azza wa Jal est partout, ça veut dire que c'est vraiment grave. Avant de parler de cela, quand Al-Sunnah Al-Jama'a disent que Allah Azza wa Jal est sur son trône, il faudrait que vous sachiez deux choses. La première des choses, quand il est sur son trône, ça ne veut pas dire qu'il touche son trône. Comme moi, je suis assis sur ma chaise, je touche ma chaise de façon à ce que si on m'enlève ma chaise, je vais tomber. Non. Allah Azza wa Jal fawqa 'arshihi min ghayri mumasat. Min ghayri an yakuna hunaka mumasat bayna Allah Azza wa Jal wa bayna al-'arsh. Ça, c'est la première des choses. Il est au-dessus du trône. Ça ne veut pas dire qu'il est, yani, il y a un toucher entre le trône et entre Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que se trompent beaucoup ceux qui disent que Allah Azza wa Jal est assis sur le trône. Ça, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un hadith sahih qui dit assis, comme disent beaucoup de gens. إذن الذين يقولون إن الله جالس على الكرسي وجالس على العرش وكذا هذا لا يثبت في السنة الصحيحة. إنما الله عز وجل مستوٍ على العرش مستوٍ. Donc le vrai terme, c'est de dire Allah Azza wa Jal est établi sur son trône. Istawa, on ne dit pas il est assis, on dit il s'est établi. Il s'est établi sur son trône. Deuxièmement, lorsqu'on dit par exemple que Allah Azza wa Jal, il descend chaque nuit, il descend, le dernier tiers, il descend jusqu'au ciel du bas monde et il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'invoque, je lui donne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me veut quelque chose, je lui donne, etc. Quelqu'un qui estaghfirouni, je lui pardonne. Ça ne veut pas dire que Allah Azza wa Jal laisse le trône et descend. Pourquoi? Parce que Al-Sunnah wal-Jama'a disent que la yilzam min al-nuzul an mada an yatakhalla Allah Azza wa Jalla an al-arsh wa illa asbaha al-arsh fawqa. Et Cheikh Ibn Taymiyyah a écrit quelque chose spécialement pour prouver que Allah Azza wa Jalla, quand il descend, ça ne veut pas dire qu'il laisse le trône, ensuite le trône devient au-dessus de lui. Allah Azza wa Jalla, c'est toujours le plus haut, il n'y a pas quelque chose au-dessus de lui. Pourquoi Cheikh Islam a écrit cela? Parce qu'il y a un grand savant, il s'appelle Ibn Mindah, a écrit un livre pour prouver que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il descend la nuit, il descend du trône et il laisse le trône. Alors Cheikh Islam a rendu et prouvé que non, il ne laisse pas le trône. Allah Azza wa Jalla est toujours au-dessus du trône et malgré cela, il descend jusqu'à ce ciel. Naam, c'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla, c'est pas comme une créature. Moi, quand je suis là, je ne peux pas être ici au Koweït et en même temps, je vais dans un autre pays. Ou là, je suis dans cette chambre et en même temps, je suis dans la cuisine. Je ne peux pas. Mais Allah Azza wa Jalla, pour lui, tout est possible. Étant sur le trône, il descend. Étant sur le trône et il descend. Tout est possible. Allah Azza wa Jalla peut joindre entre les contradictions. Nous, on ne peut pas. Par exemple, moi, je fais la course avec quelqu'un. On est deux, on fait la course. Est-ce que je peux en même temps être le premier et je peux en même temps être le dernier? Non. Ou bien je vais être le premier ou bien le dernier. Mais Allah Azza wa Jalla, chez lui, ça, c'est possible ces deux choses. Huwa al-awwal, huwa al-akhir. En même temps, il est le premier et il est le dernier. Huwa al-awwal, huwa al-akhir. Des choses comme ça qui se contredisent pour nous, pour Allah Azza wa Jalla, il n'y a pas de contradiction. Il est sur le trône et en même temps, il est sur le septième ciel, le dernier tiers de la nuit. Mais certains ulama, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, de préférence, on ne dit pas, il quitte ou il ne quitte pas le trône. On se tait. On dit, Allah Azza wa Jalla descend chaque nuit, il descend une descente spéciale qui lui sied, Azza wa Jalla, qui lui convient, nous oulan yaliqu bihi, subhanahu Azza wa Jalla, min ghayri an nakhudh fi al-kalam hal takhalla 'an al-'arsh wa taraka am mazala 'alayh innama naqul yanzilu faqat wa naskut. Hadha qawl Sheikh Ibn Uthaymeen 'alayhi rahmatullah. Kuntu aqul alladhina la yuthbituna 'uluwa Allah subhanahu wa ta'ala 'ala al-'arsh wa istiwa'ahu 'ala al-'arsh hum firqa kama la yakhfa 'alaykum firqa dhalla hatta inna ba'd al-'ulama qala bal inna akthar al-'ulama qalu man لم يعرف ومنهم أبو حنيفة أيضا قال من لم يقل إن الله فوق العرش فهو كافر. Même certains ulama ont dit que quiconque dit que Allah Azza wa Jalla n'est pas sur le arsh, n'est pas sur le trône, c'est un kafir, c'est un mécréant. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, vu que on vit maintenant loin des ulama et on connaît pas notre din, on vit dans le coffre, on vit dans des choses, on est très très loin de la sharia, il vaut mieux qu'on dise pas à quiconque qui ne sait pas que Allah sur le trône, on va lui dire kafir. Sinon, je vais commencer par ma mère, par mon père, par mes frères, par mes tantes, mes oncles, tous ce sont des kofars. Parce que je suis sûr que si je vais leur demander au Allah, ils ne vont pas répondre. Mais au lieu de dire ce sont des kofars, n'est-il pas plus raisonnable de le faire apprendre ces choses-là, ces choses importantes, que les frères musulmans ils n'aiment pas parler dans ces choses, mal-assef par malheur? Est-ce qu'au lieu de dire quelqu'un tu es kafir, n'est-il pas plus raisonnable ou bien plus obligatoire de lui apprendre le din de Allah subhanahu wa ta'ala, lui apprendre la aqidah, la vraie aqidah? Parce que quand il dit que Allah Azza wa Jalla est partout, ça veut dire beaucoup de choses. Awalan, ça veut dire, comme je l'ai déjà dit, que Allah Azza wa Jalla, ma'adallah, ça veut dire qu'il est dans les toilettes et qu'il est dans le ventre de l'âne et du porc et du sanglier, et qu'il est dans le truc de la femme, et qu'il est ma'adallah, hacha, astaghfirullah. Moi, si tu me dis de moi qui ne suis rien, tu me dis toi tu es tout le temps dans les toilettes, etc., j'aime pas. Alors Allah Azza wa Jal qui est sur le trône, je dis non, il est partout, il n'est pas sur le trône, il est partout. Que ceux qui disent Allah Azza wa Jal est partout, ittaqu Allah Azza wa Jal, et qui craignent Allah Azza wa Jal, parce que il va se mettre en colère contre eux. Pourquoi? Parce que lui, dans le Coran, il a dit stawa ala al-arsh. Il n'a pas dit je suis partout. Il a dit ilmuhu fi kulli makan. Sa science est partout. Sa science, il n'y a pas une chose qui se passe dans la terre, ou là, entre le ciel et la terre, ou là, dans les cieux, sans que sa science ne soit avec cette chose, sans que Allah Azza wa Jalla ne sache cette chose. Ilmuhu, ilmuhu fi kulli makan. Ilmuhu, laysa Allah fi kulli makan, ilmuhu fi kulli makan. Hatta ina ba'd al-ulama ankaru ala man yaqul inna Allah fi kulli makan bi'ilmih. قالوا حتى هذه الجملة لا تقال، لا تقول إن الله في كل مكان بعلمه، قل إن الله مستوى على العرش وعلمه في كل مكان، هذا أفضل، هذا يعني أقطع لي يعني أبعد للشبهة، ويعني هذا يعني كما يقولون اسم العبارة هذه موجودة العبارة يقول استغفر الله، يعني نسد بها الذرائع، نسد بها الذرائع. Donc certains ulama ont été jusqu'à dire que on dit même pas Allah Azza wa Jal se trouve avec sa science, se trouve avec ses créatures avec sa science. Non, dit Allah Azza wa Jal est sur son trône, mais sa science est avec toutes les créatures. Rien ne se passe sans qu'il ne le sache. Il sait tout avec sa science. Mais lui, où est-il? Il est sur son trône, toujours sur son trône. Mustawin ala arshi, toujours sur son trône. Hadi awalan. Ensuite, يلزم منه محذور ثاني ما هو؟ إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان يلزم من هذا أن الله عز وجل يصغر ويكبر. كيف ذلك؟ بما أن الله تعالى في كل مكان، إذا هو موجود داخل هذا البيت مثلا، إذا هدمت أنا البيت يخرج منه، إذا يصغر الله عز وجل، وإذا هدمت هذه العمارة يخرج منها لأنه هو في كل مكان، هو داخل العمارة، هدمت العمارة يخرج يصغر. وإذا بنيت شيئا يدخل فيه يكبر، إذا الله عز وجل يكبر ويصغر حسب البناء وحسب الهدم وحسب الهدم. ما عاد الله ما عاد الله ما عاد الله. Donc ce qui dit que Allah Ta'ala est partout, ça inclut que il grandit et il devient petit. Comment cela? Puisque tu dis il est partout, donc il est dans cette maison, il est dans cet immeuble, il est dans ce bar, il est partout. Donc moi si je vais démolir cette maison, Allah Azza wa Jal va sortir puisqu'il est à l'intérieur. Donc il va devenir plus petit. Ensuite, je démolis l'immeuble, il va devenir plus petit. Ensuite, si je construis une cabane, il va rentrer. Il est partout. Donc il va grandir. Et ça, c'est. Est-ce qu'il y a un coffre plus que cela? Il n'y a pas. Il n'y a pas un coffre plus que cela. C'est pour ça que les ulama disent attention, la secte qui dit Allah Azza wa Jal est partout, ça s'appelle Najariya. C'est quelqu'un XXX Ibn Najjar. Ceux qui le suivent s'appelle Najariya. Il disait qu'Allah Ta'ala est partout, partout. Et ceux qui l'ont suivi, c'est aussi les Jahmites, les Jahmiya, mais ce ne sont pas les ulama des Jahmiya, ce sont les Awam, Awam Jahmiya, les gens simples, comme ça, les gens simples. Ils disent que Allah Azza wa Jal est partout, comme a dit Hada, Najjar Hada, Ibn Najjar. Alors que les vrais ulama des Jahmites, des Jahmiya, les vrais ulama, disent Allah n'est ni en haut ni en bas, ni à l'intérieur du monde ni en dehors, comme disent exactement l'Asha'ira. L'Asha'ira disent comme ulama wa nuddar al-jahmiya anna Allah subhanahu wa ta'ala la dakhil al-alam wa la kharij al-alam wa la fouq wa la taht amma alladhina yaquluna huwa fi kulli makan hum awam al-jahmiya wa hum al-najariya. Idhan craignez Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas être des najariya, des jahmiya et des asha'ira qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Dites Allah Azza wa Jal est sur son trône, Mustawin ala arshih, Mustawin ala arshih. Maintenant on a posé une question à Alam. Voilà la question qu'on lui a posée et voilà ce qu'il a répondu. Je vais vous lire ce qu'on lui a posé, ce qu'il a répondu. Ils ont dit voilà la question. Certaines personnes disent qu'Allah est au-dessus des cieux, tandis que des ulama disent qu'aucun lieu n'abrite Allah. Tandis que, yani, certains ulama disent, bien sûr, certains ulama des Asha'ira et des autres disent que aucun lieu n'abrite Allah. Quelle est la parole juste sur cette question? Réponse: louange, louange à Allah, louange à Allah. Les sunnites, al-sunna, soutiennent qu'Allah est réellement au-dessus de sa création. السنة يعتقدون أن الله فوق خلقه. Sur la base d'arguments tirés du livre de la Sunna, بأدلة من الكتاب والسنة, et du consensus ou l'ijma, et de la raison ou l'aql, et de la nature ou l'fitra. Subhanallah al-Azim. Il y a 5 grands arguments. Premièrement, أولا, Les arguments tirés du livre ont indiqué diversement la transcendance d'Allah. L'adilla al-mawjouda fi kitab, l'adilla allati awrada Allah azza wa jalla fi kitab, laha turuq mutanawwi'a fi ithbat ulou Allah azza wa jalla. Tantôt les versets, tantôt ils expriment cela par élévation, par élévation. Taratan l'ayat tatakalam 'an 'ulou Allah. Tantôt par le dessus, taratan par le dessus, taratan ayat tadhkur anna Allah fawq, fawq. Tantôt en évoquant la descente des choses à partir de lui. Taratan ba'd l'ayat taqul inna ba'd l'ashya tanzil min 'indillah. Tantôt mentionnant qu'il est dans les cieux. Ou ba'd l'ayat tadhkur anna Allah azza wa jall fawq. أن الله عز وجل موجود في السماء أو في السماوات. أذكر بعض الأمثلة. Quant à l'élévation, l'élévation, elle est employée comme dans le Coran lorsqu'on dit وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود وحفظهما وهو العلي العظيم. Quand vous lisez ayat kursi, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. Avant de continuer à expliquer, je vais poser une petite question que j'ai posée la fois passée, juste pour savoir si vous vous rappelez et si vous suivez bien les cours. Quand Allah Azza wa Jalla a dit wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, qu'est-ce que ça veut dire kursiyyuhu? Qu'est-ce que ça veut dire kursiyyuhu? Wasi'a kursiyyuhu, est-ce que c'est une chaise ou bien c'est quoi la kursiyyuhu? Celui qui sait, il lève la main seulement. Qu'est-ce que ça veut dire kursiyyuhu? Allah Azza wa Jalla a dit wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Hakim Kabran, à part toi, je suis sûr, Inch'Allah, que tu connais la réponse, Hakim. Laissons à un autre, Inch'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. C'est quoi kursiyyuhu? J'avais même donné le dalil. J'avais dit voilà le dalil, qu'est-ce que ça veut dire kursiyyuhu? Que ceux qui étaient présents nous disent qu'est-ce que ça veut dire kursiyyuhu. Sinon, ça veut dire que je suis en train de parler dans le vide. Je vais voir maintenant qui va pouvoir me répondre. L'ankabout, tafadhal, l'ankabout, c'est quoi kursiyo? Wasi'a kursiyo. Je t'attends pour écrire, inshallah ta'ala. وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُوا حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَالْبَرَكَةُ. C'est son repose-pied. Son repose-pied. Lorsque quelqu'un est assis, il doit mettre ses pieds quelque part, par terre. L'endroit où on met nos deux pieds, ça s'appelle le kursi. L'ankabout, barakallahu fik. Allah yazidaki ilman. Donc le coursier c'est pas la chaise, c'est pas comme disent les vieilles, etc. Allah Azza wa Jalla est assis sur la chaise, le coursier c'est l'endroit où on met les deux pieds. Abdullah ibn Abbas, dans un hadith sahih chez l'imam al-Albani rahimahullah, dans le livre l'Ulu, il a rapporté un حديث عبد الله بن عباس حديث عبد الله أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كالكرسي سيكوا كالكرسي سي موضع القدمين كالكرسي سي موضع القدمين. ensuite on disait وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما. ensuite qu'est-ce qu'il a dit الله عز وجل وهو العلي العظيم. donc العلي c'est le trio. ensuite nous quand on fait la prière on dit سبح. On dit Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la. Ça veut dire l'A'la c'est le plus haut. Et quand tu dis haut et plus haut, ça veut dire qu'il est en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas partout. Il est en haut, le plus haut. Ensuite, ça c'était l'élévation. Maintenant on parle le dessus. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi. Wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi. Ibrahim, tu as écrit le trône. Si tu as écrit le trône, ça veut dire que maintenant il va y avoir une contradiction. Moi j'ai dit que c'était pas le trône. J'ai dit que Mawdi al-Qadamain c'est le où on met les pieds. C'est pas le trône. Le trône c'est l'arche. Barakallahu fik. Naam, tu as écrit le trône, peut-être les les autres ils vont comprendre que c'est le trône, le coursé, parce que je parlais du coursé. Naam. Allah Azza wa Jalla a dit wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi. فوق عباده لاحظوا الله عز وجل فوق وهو القاهر أين فوق عباده ليس في كل مكان فوق عباده c'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs فوق عباده il est sur ses serviteurs il n'est pas partout il est sur ses serviteurs الله عز وجل لما تكلم عن الملائكة قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم ما قالش يخافون ربهم الذي هو في كل مكان يخافون ربهم من فوقهم et ils craignent les anges et ils craignent leur seigneur au-dessus d'eux et ils craignent leur seigneur qui est au-dessus d'eux et qui n'est pas partout il est au-dessus d'eux verset Coran 16-50 Sourate 16 verset 50 Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla est au-dessus de nous. Il est au-dessus, le fort, Moustawin ala l'arche. En ce qui concerne la descente, il y a des choses qui descendent. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran. Donc, lahidu, nazzalna. Qu'est-ce que ça veut dire? Même en nizilna. Yani, en te tekun le fouk, ou tu nizil. En te idakunt ma'i fi nefs moustawa, la tu nizil. La bouddha en tekun a'la minni, hatta tu nizil. Allah Azza wa Jal, nizala zikr le Coran min fouk, li anna ou fouk. Nous avons fait descendre le Coran. Pour faire descendre, il faut que celui qui fasse descendre, il faut qu'il soit plus haut. Si on est dans le même degré, il ne peut pas faire descendre. Il faut que quelqu'un monte en haut pour qu'il fasse descendre. Donc l'azur est en haut. C'est pour ça qu'il a fait descendre le Coran. Comme il y a un voisin qui habite au quatrième étage. Et l'autre, il a un autre voisin qui habite au premier. Celui du quatrième, il dit à son fils, va chez Mohamed en bas au premier, descends-lui un peu de gâteau. Descends-lui. Pourquoi il va lui dire descends? Parce qu'il sait qu'il est en haut, il est au quatrième, il dit à l'autre, descend, à son fils, descend à Mohamed qui se trouve au premier. Allah Azza wa Jal nous descend le Coran, parce qu'il est en haut lui, et le Coran descend vers nous. Et qu'ont dit les Hawariyoun, les adeptes de Isa, qu'est-ce qu'ils ont dit? Wa idqal al-Hawariyoun ya Isa, dis-nous, ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alayna ma'idatan min as-sama? Est-ce que ton Dieu peut-il nous faire descendre? Une mida, je ne sais pas comment on dit une mida, une table. Ton Dieu, peut-il nous faire descendre une table du ciel? Ça veut dire qu'il savait qu'Allah était en haut et qu'il descendait des choses. En ce qui concerne la descente. Maintenant, en ce qui concerne la montée des choses. Allah Azza wa Jalla a dit, يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثم يعرج إليه في يوم كان مقدره ألف سنة مما تعدون يعرج في عروج يا نصر قلت يا دي شوز كي مونت يا دي شوز كي مونت الله عز وجل دي دون كون إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب ماذا يفعل إذا في كل مكان ولا يصعد لا يذهب في كل مكان لو كان الله في كل مكان الكلام طيب يذهب في كل مكان لا الكلام طيب يصعد إلى الله إليه يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعه الله عز وجل يرفعه أنت حتى ترفع شيء لابد أن تكون أنت الفوق والشيء هذا أن يكون التحت وإلا لا تستطيع أن ترفع الله عز وجل قال vers lui monte la bonne parole vers lui monte la bonne parole il n'a pas dit partout va la bonne parole non Allah n'est pas partout là il est en haut et vers lui monte, il y a une montée, il y a une montée, une ascension, vers lui monte la bonne parole et il élève, et il élève haut la bonne action. Ou l'amal ou salih yarfa'u, il l'élève. Pour élever, il faut que tu sois en haut. Si tu n'es pas haut, tu ne peux pas élever quelque chose. Ta'arudu al-mala'ikatu wal-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sanatin mimma ta'udun. Ta'arudu al-mala'ikatu wal-ruhu ilayhi. Les anges ainsi que l'esprit, yani Jibril, montent vers lui, montent en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Donc il y a des choses qui montent, des anges qui montent. Maintenant, troisièmement, quatrièmement, le fait qu'il se situe dans le ciel, où ça se trouve par exemple dans le Coran. La Zawjil a dit « A'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ard »« A'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ard » Lahidou, « Lam yakul a'amintum man huwa fi kulli makan an yakhsifa bikum al-ard » Là, la Zawjil a dit « Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre ?» Toi tu es à l'abri, quelqu'un est-il à l'abri que celui qui est au ciel vous nous enfuisse en la terre? Qui est au ciel? Qui est au ciel? Qui est au ciel? Allah est au ciel. Allah n'est pas partout, il est au ciel. Au-dessus des cieux. Quand on monte, premier ciel, deuxième, troisième, septième ciel, ensuite il y a une grande mer, ensuite l'arche, ensuite au-dessus de l'arche, Allah subhanahu wa ta'ala, le plus haut, il n'y a pas le plus haut, il n'y a pas plus haut que lui. Donc Allah Azza wa Jal n'est pas partout comme disent les sectes d'eau égarés. Au fil hadith sahih, maintenant je l'ai noté moi aussi parce que à cette réponse j'ai ajouté beaucoup de choses de moi. Il y a un hadith sahih qui dit que la personne quand elle va mourir, il y a les anges qui vont la prendre, bien sûr l'ange de la mort qui ne s'appelle pas Azraïl mais qui s'appelle l'ange de la mort. Quand il a fait sortir, il a donné aux autres, anges, ils vont monter ciel par ciel, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hatta yatu sama'a allati fiha Allah. Subhanallah. Subhanallah azza wa jal. Subhanallah al-azim. Hatta yatu sama'a allati fiha Allah. Ils vont monter de ciel en ciel, le prophète a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel où il y a Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un hadith sahih, bien sûr. Ensuite, le hadith là, akhar, fi hadith sahih, aïdan, ma'ruf jiddan indakum, ma'ruf jiddan indakum, inshallah ta'ala. Wa huwa le hadith alladhi fi ma ma'naah, anna ar-rajulu idha talaba zawjatahu, falam ta'tih. Falam talaba, yani, li mu'asharatiha. Falam ta'tih, qala sallallahu alayhi wa sallam, إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح سبحان الله لم يقل إلا كان الذي في كل مكان ساخطا عليها لا إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح dans un hadith sahih le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque des époux qui demande à sa femme de faire avec elle l'acte et qu'elle ne veut pas par exemple qu'est-ce qui va se passer? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui est au ciel sera en colère contre elle jusqu'à ce qu'elle aille faire l'acte avec son époux. Qu'a dit le prophète? Jusqu'à ce que celui qui est au ciel, il n'a pas dit celui qui est partout, il parle d'Allah, il a dit celui qui est au ciel. Pourquoi les gens ne veulent pas comprendre que Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux? Pourquoi ils disent il est partout? Pourquoi ils ne veulent pas comprendre? Alors qu'il y a plein de hadiths et plein de... J'ai dit qu'il y a même des ulamas qui ont dit, quiconque dit, il n'est pas au ciel, c'est un kafir. Maintenant, je me rappelle, pour vous rappeler que Zaynab bintou Jahsh, radiallahu ta'ala anha, qu'est-ce qu'elle faisait quand les autres épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'énervaient? Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, vous toutes, ce sont vos parents qui vous ont marié, parce qu'il y avait de la jalousie entre les épouses du prophète radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Vous toutes, ce sont vos parents qui vous ont marié. Mais moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala min fawqi sab'a samawat, du dessus des sept cieux qui m'a marié. Subhanallah al-Azim. Regardez, elle ne disait pas moi c'est Allah qui se trouve partout qui m'a marié, mais elle disait mais moi c'est Allah du septième ciel qui m'a marié, parce que c'est Allah qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Talak dit à son mari de Zayd de la divorcer pour que tu te maries avec elle, pour prouver aux gens qu'on peut se marier avec quelqu'un qu'on a, avec que le fils adoptif n'est pas un vrai fils, il reste toujours un fils adoptif. Donc voilà beaucoup de preuves. Deuxièmement, la sunna renferme aussi beaucoup de propos et d'actes yani, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'actes. Le plus grand délil, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque fait Arafat, il pointait son doigt vers le ciel quand il haranguait la foule dans le plus grand rassemblement à Arafat lors du pèlerinage d'adieu. Il a dit: ai-je bien transmis? Hal ballaght? Oui. Ai-je bien transmis? Oui. Ai-je bien transmis? Et il disait en même temps, tout en pointant son doigt d'abord vers le ciel, puis vers les gens. Ensuite, il disait: mon Seigneur témoigne. Mon Seigneur, hal ballaght? Hal ballaght? Tu m'as dit: Wallahu yashhad, ou Allahu ya'lam. Yani, nasib billah ma daqal. Donc, l'essentiel, c'est quoi? Allahumma shahad, il disait Allahumma shahad. L'essentiel, c'est quoi? Il levait, il pointait son doigt vers le ciel. Il disait Allahumma shahad. Il pointait son doigt vers l'âme. Allahumma shahad, Allahumma shahad. Il pointait son doigt vers le ciel. Pourquoi? Parce qu'il savait que Allah Azza wa Jalla se trouve du côté, il se trouve vers le ciel. Et bien sûr, le hadith sahih, le très connu hadith Muawiyah ibn al-Hakam. قال اطلعت على غنيمة سان كومبانيون رضي الله تعالى عنه. qu'est-ce qu'il a dit? Il avait un troupeau de moutons il avait une bergère, c'est elle qui partait avec son troupeau là, c'est elle qui gardait son troupeau. قال اطلعت على غنيمة لي ترعاها جارية لي من قبل أحد فوجدت الذئب قد ذهب منها بشات. Alors j'ai trouvé qu'il y avait le chacal qui avait pris un de mes moutons, alors qu'il y avait la bergère. Il a dit: wa ana rajulun min bani adam asif kama ya'safun fa sakaktuha saka. Il a dit: moi je suis quelqu'un comme tous les gens, bien sûr je me mets en colère comme tous les gens, etc. Alors il a dit: je l'ai frappé d'une gifle, j'ai frappé la bergère d'une gifle. Ensuite il a dit: in sarftu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa akhbartuhu. Il a dit ensuite: je suis parti au prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Je lui ai dit, il a dit, ça m'a tellement touché qu'il fallait que je lui dise cela. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par ce qui s'est passé, l'autre il a remarqué, il a dit: ya Rasulallah, est-ce que je l'ai franchi parce que si on la frappe, on doit la franchir. Quand on a un esclave, si on le frappe, on doit la franchir. Il y a trois choses qui font affranchir un esclave. L'une des trois, c'est quoi? C'est si on frappe un esclave. Dès qu'on le frappe, on doit la franchir. Alors il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: dois-je la franchir? Parce qu'il l'avait giflé. Afala atiquha? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: ud'ouha. Mais comme en islam, quand on veut affranchir un esclave, de préférence, on affranchit un croyant. Pas un kafir, on a franchi un croyant parce que on a besoin de lui, il est musulman, on ajoute au musulman, etc. C'est pas un kafir. Même certains ulama ont dit que même si tu as franchi un kafir, c'est pas valable. Et d'autres ont dit non, c'est seulement yani mustahab. Comme Cheikh Ibn Uthaymin a dit, de préférable, il doit être musulman, croyant, avec ce hadith. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir maintenant, il va voir est-ce que cette bergère est croyante ou elle est une mécréante. Nous on ne sait pas. Le prophète Alayhi ne sait pas. Alors il lui a dit: Oudroua, appelle-la-moi avant de la franchir, appelle-la-moi, je vais la tester, je vais voir si c'est une croyante ou pas. Comment va-t-il la tester? Il va lui dire: combien tu connais de Coran? Est-ce que tu fais la prière? Est-ce que tu as fait le pèlerinage? Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va tester la bergère. Et c'est un hadith sahih chez l'Albani bien sûr et les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il l'a vu, قال لها صلى الله عليه وسلم, première question: أين الله عز وجل, où est Allah عز وجل, où est Allah le transcendant. La première question: où est Allah عز وجل. Alors comparé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit où est Allah azza wa jal pour savoir si quelqu'un est croyant ou pas, et comparer avec ceux qui, quand ils t'entendent dire où est Allah azza wa jal, ils disent ça se dit pas. Hey, écoute, arrête, ne dis pas où est Allah azza wa jal. Tu l'as mis, tu veux le mettre dans un endroit. Où est Allah azza wa jal? Où est-il? Tu veux qu'il soit dans un endroit. Allah azza wa jal n'a pas d'endroit. Tu n'as pas le droit de dire où est Allah azza wa jal. Astaghfirullah, ma'adallah. Cela, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, il lui aurait dit pourquoi tu dis cela. Oui. Ô prophète, il ne faut pas dire où est Allah. Nous on connaît Allah mieux que toi. Il ne faut pas dire où est Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Regardez le prophète. La première question, أول سؤال أين الله عز وجل أين الله عز وجل قالت elle a dit في السماء il est au-dessus des cieux il est vers le haut في السماء في السماء c'est pas l'intérieur bien sûr au-dessus في السماء alors le prophète صلى الله عليه وسلم a dit la deuxième question من أنا qui suis-je قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها مؤمنة فأعتقها donc le prophète il a posé la deuxième question qui suis-je Tu es le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit, affranchis-la, c'est une mu'mina, c'est une croyante. Subhanallah al-Azim. Les gens, c'est pour ça que les ulama ont dit, qui ne connaît pas, qui ne sait pas que Allah azza wa jal est au-dessus des cieux, ça ne peut pas être un musulman. Parce que le prophète a testé la femme et l'a prouvé qu'elle était la bergère, qu'elle était croyante. Pourquoi? Quand elle a su que Allah était dans le ciel. Mais nous, j'ai bien dit que dans ces temps, il y a beaucoup de djihl et de bida et d'innovation. On est tous très très loin du din, de la sharia, de la sunna et de madhab salaf. Il vaut mieux yani, ne pas dire que quelqu'un est kafir. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas cela. Il faut d'abord apprendre aux gens. Ensuite, quand ils disent non, moi je nie, je ne veux pas reconnaître, ça c'est autre chose. Ensuite, comparez, barakallahu fikum, qarino, kayfa anna, ra'iya, ra'iyatan, min ru'at. تعيش لا أدري بعيدة عن العلم وعن العلماء عرفت أن ربها عز وجل في السماء ونحن تأتي بأناس تخرجوا من الجامعات شهادات عالية جدا بل شهادات دكتورة في الشريعة تجد الواحد عنده دكتورة في الشريعة ويقول إن الله في كل مكان استغفر الله وأتوب إليه كومباري بارك الله فيكم من بيرجار qui vit dans la forêt ou je ne sais pas où dans la plaine avec les moutons et les oiseaux et le chacal et qui a su que son Allah subhanahu wa ta'ala, son Dieu est au-dessus des cieux masha'Allah alayha alors que nous, des gens qui sortent des universités avec le doctorat en sciences islamiques, doctorat en jurisprudence, doctorat en je ne sais pas quoi, et il dit Allah ta'ala est partout et il nie et il ne veut pas reconnaître qu'Allah azza wa jal est au-dessus des cieux. Donc cette bergère est beaucoup plus érudite et beaucoup plus de science que quelqu'un qui de nos jours a un doctorat. Naam, une bergère, cette bergère Allah, elle est beaucoup plus savante que des milliers et des millions de personnes qui vivent avec nous en ces temps-là, ma'al asaf. Ensuite il y a autre chose que je voudrais ajouter aussi. Yani min adilla aidan. Pourquoi je donne tous ces exemples et pourquoi yani on répète ces choses-là? Pour que ça s'ancre, ça devient ancré dans le cœur. À force d'entendre cela, ça devient ancré. Ensuite on n'hésite plus. Quand on dit à quelqu'un oh Allah, il dit fissama. On ne dit pas oh Allah, j'ai des doutes, oh Allah, je ne sais pas, oh Allah, laisse-moi encore apprendre. Plus tu entends des preuves, plus il y a de la lumière, il y a un noir qui rentre dans ton cœur. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يعني plus tu entends l'adilla des versets des hadiths sahiha plus tu sens la lumière qui rentre dans ton cœur et plus la lumière rentre dans le cœur plus le contraire qui s'appelle dhulma, je sais pas comment dire, l'obscurité, plus l'obscurité sort du cœur, l'obscurité sort du cœur. Ensuite parmi l'adilla aidan, quatrièmement, pour ce qui est de l'argument rationnel, nous disons que l'élévation est un attribut de la perfection selon le consensus des gens raisonnables. Donc, si l'élévation est un attribut de perfection, elle doit appartenir à Allah, car tout attribut de perfection revient à Allah. Naam, vous avez compris ce que je veux dire? L'élévation, quelque chose qui est vers le haut, c'est son verset, son hadith, c'est toujours quelque chose, c'est un attribut de perfection. Toujours quelque chose qui est haut, c'est quelque chose de parfait. Donc moi, son hadith, son ayah, Allah Azza wa Jal, c'est, il doit être lui le plus haut. Même s'il n'y a ni verset, je n'ai ni verset ni hadith. Je sais que l'élévation, c'est quelque chose que tout le monde aime. C'est quelque chose de parfait, de perfection. Plus la chose est haute, plus la chose vient d'en haut, plus elle est parfaite. Donc, et plus la perfection, plus toute chose parfaite doit revenir à Allah Azza wa Jal, plus qu'à nous. Donc je vais dire que Allah Azza wa Jal se trouve en haut. Donc, c'est une autre raison. Cinquièmement, quant à l'argument empirique, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas expliqué en arabe, l'oulou, barakallahu fikum, sifat kamal, l'oulou, chez l'ali, daiman sifat kamal. Ou sifat al-kamila, fa awla an yattasifa biha Allah, awla man al-aliyak, ou l'awla an yattasifa biha, huwa Allah Azza wa Jal. إذن العلو حتى إذا ما عندي لا آية ولا حديث أثبت العلو لله عز وجل. لماذا؟ لأنها صفة كمال، صفة كمال. ولهذا ماذا يقولون الكفار حين في آية لا تحضرني فيما معناها، الآية تقول وقال الذين كفروا ربنا أرينا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من أسفلين. نجعلهما تحت أقدامنا لماذا؟ ليكون من أسفلين، لأن السفول ماذا؟ هو ليس بصفة كمال، إنما صفة نقص، ولهذا عكسها العلو، وصفة النقص صفة ماذا؟ هي السفول. إذن هذا أيضا حتى كما قلت من العقل. Cinquièmement, quant à l'argument empirique, il est incontestable et irrécusable. Pourquoi? Tout être humain, bil fitra, a la conscience innée qu'Allah Azza wa Jal est au ciel. Bil fitra, ya'lam al-mar'u anna Allah Azza wa Jal fi sama. Wa li hada, c'est pourquoi quand vous êtes surpris par une chose que vous ne pouvez pas repousser et que vous vous adressez à Allah pour l'écarter, notre cœur se tourne instinctivement vers le ciel et non vers une autre direction. Vous avez remarqué, dès qu'il y a quelque chose ou un grand problème ou là, hop, on lève les mains vers le ciel, sans le vouloir. Même si on est un kafir, on regarde vers le ciel. Subhanallah, pourquoi? Parce que le kafir, c'est Allah Azza wa Jal aussi qui l'a créé. Et par fitra, par argument empirique, il doit lever les mains vers le ciel et non pas vers le bas. Tout le monde le fait ça, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. Jamais vers une autre direction, jamais. Hatta le kafir, بس تحدث له مشكلة يرفع رأسه إلى السماء وينظر إلى السماء حتى تأخذ ابن صغير un petit enfant de 4 ans ou 5 ans s'il fait un doigt il va regarder en haut là il lève les mains. Pourquoi? Parce que c'est empirique, c'est quelque chose d'inné معند الله سبحانه وتعالى. Et ce qui est surtout étonnant, c'est que même ceux qui contestent, comme je viens de dire, qui contestent la transcendance d'Allah, qui nie Ulu Allah, lève leurs mains vers le ciel quand il prie. Même Pharaon, Firaun, bien qu'ennemi d'Allah, il a dit à son ministre Haroun, au cours de sa dispute avec Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Wa qala Firaun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablugh al-asbab asbab samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadiban. قال العلماء لأن موسى عليه السلام أخبره أن الله في السماء، لهذا قال أصنع لي الأسباب لأبلغ أصنع لي صرحا لأبلغ أسباب السماوات فطلع إلى إله موسى كما يزعم موسى أن إلهه في السماء. donc حتى فرعون من فرعون il a dit oh Haman bâtis-moi une tour peut-être atteindrai-je les voies des cieux et apercevrai-je le Dieu de Moïse et je le crois menteur car il m'a dit que son Dieu est dans le ciel. Alors Haman, bâtiment une tour, je vais voir qu'est-ce qui se passe en haut, et d'ailleurs je crois que c'est un menteur. Donc Moussa alayhi salam a dit à Pharaon que Allah se trouvait au ciel, et bien sûr Pharaon reconnaissait cela dans le cœur mais il ne voulait pas le montrer, comme a dit Allah dans le Coran wa jahadu biha wa staiqanatha anfusuhum. au fond de lui-même, il savait qu'Allah existait réellement, comme a dit le Coran, il les nia injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils croyaient avec certitude. Ils croyaient avec certitude. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la prière, il faisait la prière fi awwal amr, kana yusalli lil quds. Et bien sûr, les autres Ahl Kitab faisaient aussi la prière, les gens du livre faisaient aussi la prière vers le Quds. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait toujours se démarquer des gens du livre. Il voulait toujours faire le contraire de ce qu'il faisait. Il souhaitait que Allah Azza wa Jalla lui change de qibla. Il souhaitait que Allah Azza wa Jalla lui change de qibla. كان يتمنى أن الله عز وجل يغير له القبلة حتى يضارع يعني هذا أهل الكتاب حتى لا تكون لهم نفس القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا من هديه أن نخالف أهل الكتاب قالبا وقلبا فكان يتمنى أن الله عز وجل يغير القبلة فماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما شاهد في الطريق يرفع رأسه للسماء وينظر لعل شيئا ينزل من السماء. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم quand il souhaitait cela il marchait comme ça dans la rue et il levait le visage comme ça dans le, vers le ciel espérant que quelque chose descende du ciel parce qu'il savait que Allah Azza wa Jal se trouvait vers le ciel. Il ne regardait pas comme ça vers la terre, il attendait quelque chose sorte de la terre, mais il regardait vers le ciel attendant, souhaitant que quelque chose descende. Alors Allah Azza wa Jal lui a dit قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. Allah Azza wa Jal a dit nous avons vu comment yani, tu lèves ton visage vers le ciel, tu souhaites que je descende quelque chose, je vais descendre quelque chose, etc. comme dans le verset. Et la plus grande preuve, bien sûr, la plus grande preuve pour ceux qui ne croient pas, il leur reste cette preuve. Maintenant, s'ils vont rendre cette preuve, là, ça sera un peu très grave. Quelle est la plus grande preuve? C'est que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a voulu ordonner au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la prière soit obligatoire, parce qu'auparavant c'était pas obligatoire, quand il a voulu montrer, ordonner que ça soit obligatoire, c'est-à-dire cinq prières, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Jibril, certains disent à Israfil aussi, qu'il fasse monter le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui, عند Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de la Mecque à Al-Quds, et de là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le Mi'raj, il a fait l'ascension. Ascension, ça veut dire monter, comme l'ascenseur. L'ascenseur, tu montes, tu rentres dans l'ascenseur et tu montes au cinquième et au dixième étage. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a fait une ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala et il lui a parlé, et Allah azza wa jal lui a ordonné de faire cinq prières. Donc, qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a fait l'ascension. Pourquoi a-t-il fait l'ascension? Puisque Allah se trouve partout, comme ils disent. Allah est partout. Pourquoi moi si j'étais le prophète j'aurais dit à Jibril pourquoi tu me fais monter? Allah est partout, à droite, à gauche, en bas, en haut, il est partout. Et qu'il me le dise, je suis en train de l'entendre. Pourquoi dois-je monter en haut? Non, Allah n'est pas partout. Le prophète al-Islam savait qu'Allah était, il l'attendait au-dessus des cieux, il est monté pour lui parler là-bas. D'ailleurs dans le hadith il a dit qu'il est arrivé au premier ciel, il a trouvé je crois que c'est Adam alayhi salam, ensuite au sixième ciel il a trouvé Moussa, au septième il a trouvé Ibrahim alayhi salam, ensuite Sidrat al-Muntaha, ensuite il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça s'est passé en haut et ça ne s'est pas passé en bas, pardon. Voilà ce que disent Sunnah ou Jama'a. Peut-être il y a aussi des choses que j'ai oubliées. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. C'est très important pour que les gens apprennent et apprennent à leurs enfants alors qu'ils sont déjà jeunes. Ils leur apprennent que Allah subhanahu wa ta'ala est dans le ciel, qu'il est en haut. Et quand on dit dans le ciel, ça ne veut pas dire bien sûr à l'intérieur du ciel. Ça veut dire qu'il y a les cieux, il n'y a plus rien. Ensuite, il y a Allah subhanahu wa ta'ala le plus haut. C'est le plus haut, Subhan Rabbi Al-A'la. C'est ça quand on dit qu'Allah Azza wa Jal est le plus haut et quand on dit qu'il est sur son trône. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Si vous avez inshallah ta'ala des questions, on commence d'abord par l'aqida, on commence d'abord par ce qui a rapport avec le dars, ensuite l'aqida en général, ensuite s'il y a du temps on va parler inshallah d'autres choses. Je profite pour vous donner le site avec la publicité avant de revenir une seconde. Je vous donne le site avec le Muncher pour ceux qui ne l'ont pas. Là, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que ce site-là, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait l'installer. Ça veut dire que je vais le mettre ici. Jazakallahu khairan akhina Abd Qadir تاع الامارات. ان شاء الله تفضل انت في يوم من الايام تلقي علينا كلمات ان شاء الله. حضر نفسك, حضر نفسك ان شاء الله. Le site que je viens de mettre ici, www.admusher, comme vous cliquez, c'est pour enlever la publicité qu'il y a dans le Hadal Partok et dans les autres choses, la publicité des choses yani obscènes. J'ai oublié de vous dire que quand vous cliquez d'abord, ensuite il y a le download Hadal, il vous le descendez le barnamage, vous le descendez dans un endroit où vous allez le trouver. Par exemple, vous le descendez sur le bureau, desktop par exemple, tu choisis desktop, tu le descends par exemple sur le bureau. Ensuite, après l'avoir descendu, tu vas où tu l'as descendu et tu cliques ensuite sur lui et tu l'installes. Ensuite, après l'avoir installé, Inch'Allah, à chaque fois que tu ouvres le Paltok, il est comme ça, vide, blanc, comme la neige, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah ta'ala, dans 5 minutes, je réponds à vos questions. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الصوت ألو بلو كندي. طيب الشيخ ده بقى تفهم مغاية إن شاء الله, بارك الله فيكم تسنتين إن شاء الله, سيف ذلك بيكي تسنتين, بارك الله فيكم, جزاكم الله خير, حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il revient, il doit avoir un problème de connexion. Il revient, il doit avoir un problème de connexion. En ce moment, la connexion là-bas elle déconne. Non, son micro il déconne. Hein. Ça doit être son PC ou la connexion internet, je reviens sur là. Sans tarif. Taï, rien sur là.

وكذلك من بلغه القرآن على وجه مشوش الحجة لا تقوم عليه، لكنه ليس كعذر الأول الذي لم تبلغه نهائيا، لأن من بلغته على وجه مشوش يجب عليها أن يبحث، لكن قد يكون في قلبه من الثقة بمن بلغه ما لا يحتاج معه في نظره إلى البحث. الآن الدين الإسلامي عند الكفار هل بلغ عامتهم على وجه غير مشوش؟ أجيبه لا أبدا. ولما ظهرت قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين، وأعني بهم أولئك الذين يلقون متفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسن. ماذا عن تجاه هؤلاء؟ أسألكم، هل أقبل الكفار على الإسلام أو ازدادوا نفرة منه؟ ازدادوا نفرة منه. وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد جسا بعثت رسالة في طيها نصي لمن جسا فقرب واكرع المسألة وراءها شيء، ليست المسألة عدم فهم النصوص، هناك قضية بين القوم وبين سيدنا محمد، هذه المسألة. نحن نحب النبي، كذبتم والله لو أحببتم النبي ما قبلتموه بمثل هذه المقابلة، كما أخبرتكم البغية وراءها نزع محبة النبي من قلوب المسلمين. أنت ما تعرف القرآن أكيد يا كتاب وسنة لا عرفتم القرآن ولا السنة. أيوة نترك القرآن نترك السنة نترك الكعبة نترك أهل البيت جيبوا الخلاصة نترك الدين بس نكون. هذا نهاية الكلام. أعداؤنا لما فشلوا في أن ينتزعونا من الدين بصراحة دسوا بيننا من يتكلم باسم الدين ليستل الدين من قلوبنا. فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا يمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا لما السلام عليكم ورحمة الله. فيه صوت الأخ فيه صوت. نعم باسكو جيتي بلوكي صح لو كلافي الكلافي ما مارشي با جيتي بلوكي جيتي اوبليجي دو يعني روبوتي دو كومونسي ا زيرو. نبدا ان شاء الله افون دو كومونسي يافي اون سور هيير كي مافي دوموندي كيلك شوز سور لو مهدي جي دي ابري جي ريبونس وي دي اوبليي اسكو لا سور هادي دو مهدي الي تا افيك نو اسكو لا سور كي ما بوزي لا كيسيون سور لو مهدي اسكو الي تا افيك نو سي الي تا افيك نو يعني كلمة فاس باه أنيس أنيس نبدأ إن شاء الله تعالى. نتفضل خذ اللاقط بإذن الله سبحانه وتعالى خذ اللاقط بإذن الله سبحانه وتعالى وتفضل. أوكي Assalam alaikum. Barakallahu fik akhi. Bon, tu as un petit peu tardé, un peu plus dissipé par rapport au dars que tu avais fait. C'est, mais en tous les cas, je voudrais reprendre avec vous tous un certain nombre de points et apporter un certain nombre de précisions qui n'ont pas été faites à mon sens, si tu permets, hein, si on peut t'exprimer. Et je voudrais surtout, premièrement, te poser une question et j'ai impérativement besoin d'une réponse avant de commencer à avancer dans quoi que ce soit. C'est que dans ton dars, je me rends compte que si j'avais été quelqu'un qui ne sait absolument rien sur ce sujet-là, je ne saurais pas quelle croyance repartir, puisque à un moment tu dis, en citant un hadith, tu dis clairement que Allah est au ciel. Donc à un moment tu me dis Allah est à un ciel précisément, et hadith duquel je n'ai jamais eu vent et auquel j'aimerais beaucoup avoir les références, premièrement. Et deuxièmement, à un moment tu nous dis que Allah est au-dessus des cieux. Donc j'aimerais bien savoir finalement c'est quoi la croyance que tu expliquais, parce que je sais pas pour les autres, mais pour moi c'était pas clair à ce sens-là et j'ai fait gaffe à cela. Et après, Inch'Allah, si tu veux bien, je te donne le micro, mais tu me le rends afin qu'on avance, tu vois, parce que j'ai vraiment tout un tas de remarques à faire. Hein. À toi la parole, Ibn Taymiyyah. Naam, Anis, barakallahu fik. Seulement, je suis désolé, mais je ne peux pas te donner le micro beaucoup de fois. Je te le donne encore une deuxième fois, c'est tout. Et je dois le donner aux autres, parce que eux aussi doivent poser la question, et moi aussi je vais pas tarder, je vais yani, fermer la salle aujourd'hui, mais ça ne fait rien, je vais te le donner inchallah une deuxième fois, si tu veux une troisième, quatrième fois, il n'y a pas de problème inchallah, faqa tu attends que yani, ton tour vienne. En ce qui concerne le ciel ou les cieux, c'est la même chose. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit illa wa kana alladhi fi as-sama sakhitan 'alayha, nous on dit fi as-sama, on dit le ciel ou là les cieux ou là au-dessus, c'est tout, c'est ça se rencontre, ça veut dire que Allah azza wa jalla n'est pas, comme disent les ash'ari et les jahmiyyah, il n'est pas partout, mais il est mustawin 'ala al-'arsh, comme a dit le Coran, ar-rahman 'ala al-'arsh istawa, yani il est au-dessus des cieux, c'est le plus haut. Quand tu fais la prière tu dis subhan rabbil a'la, il est le plus haut. Tout cela, ça, des fois on dit il est amintum man fi sama, Allah azza wa jalla dit le Coran amintum man fi sama, quand tu traduis toi tu dis fi sama, tu dis dans le ciel, mais moi j'avais dit dans le dors qu'il n'était pas, il pouvait pas être dans quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est lui le plus haut, c'est lui qui est au-dessus de toute chose. Je te donne une deuxième fois le micro, tafadhal. Ok, salam alaikum, barakallahu fik. Bon ben, je vais essayer d'être très bref. Bien qu'il y ait tellement de choses à dire. Alors, premièrement, tu nous dis donc que, bon, c'est un petit peu dur à saisir, puisque finalement, quand tu dis au ciel, bref, je vais penser que, je sais plus quoi croire en fait vis-à-vis de ce que tu dis, parce que tu dis un coup au ciel et là t'as pas été clair. Et après tu dis c'est pareil au-dessus du ciel, donc je vais partir du principe que comme Ibn al-Utaymin tu considères que fils sama ça veut dire ala sama, d'accord, on va partir sur cette base là, comme ça on est tous d'accord. Alors ensuite tu nous dis tu nous cites là dans l'immédiat un verset dont l'explication de Ma'ulama peut être vraiment très variable, et qu'elle peut dire aussi bien êtes-vous à l'abri de celui à qui le royaume est dans le ciel, ou d'autres interprétations qui ne sont pas nécessairement celles que tu nous as dites. Mais ensuite c'est encore plus inquiétant, ce qui est encore plus inquiétant, c'est quand tu dis que l'Ash'ariya ils disent que Allah est partout, alors qu'ils disent exactement l'inverse. Ils nient absolument tout anthropomorphisme. Alors ça, j'ai un petit peu du mal à avaler. C'est un petit peu très très très gros, quoi. Il suffit de se référer au Ash'ari et je peux t'en donner toute une panoplie, que ce soit d'Al-Ghazali ou d'autres, ça ne pose aucun problème. Hein. Je pourrais te faire un peu de lecture, là, j'ai quelques ouvrages, un de Razali, tu n'as absolument pas parlé de la Aqida des Ash'ari, hein, remballe direct de ce côté-là, c'est clair et net et précis, c'est déjà tranché, ce sujet-là, pour un Ash'ari, l'Fawqiya, il ne la renie pas, ni l'Ulu, ni moi-même pour ma part, simplement qu'on a une compréhension de transcendance. Comme toi, tu mentionnais tout à l'heure le transcendant, eh ben, cette transcendance de perfection que tu nous as parlé, de cette transcendance de perfection, eh ben, cette transcendance de perfection, ils la comprennent comme l'imam al-Tahawi, il l'a compris, à savoir que Allah est exempt des six directions spatiales et que, il n'est pas comparable à la création en termes d'altitude ou autre. Donc, la Fawqiya, ils la comprennent dans sa plus noble valeur, à savoir la transcendance totale de ce système de valeurs qui est absolument caduque. D'ailleurs, il suffit de se référer. Salam alaykoum wa rahmatullah. Bon, puisqu'on t'a bloqué, c'est pas moi qui t'ai bloqué. Écoute, cher frère, écoute bien. Tu as parlé beaucoup. Sans le vouloir, tu vas tromper beaucoup de gens. Sans le vouloir, tu es très loin de la vérité. L'Ash'ari disent que quiconque dit Allah Azza wa Jal est au ciel, c'est un kafir. L'Ash'ari, toi tu peux me porter des lectures. Moi je peux t'apporter des avions pleins de livres. Ici, si tu veux venir demain, je t'apporte 130, 140 livres où les Ash'ari disent Allah Azza wa Jal n'est ni en haut ni en bas. لا داخل العالم لا خارج العالم لا على اليمين لا على الشمال ومن قال إنه فوق السماء فهو كافر. Donc je ne voudrais pas beaucoup poser beaucoup perdre de temps. Si toi tu es de ceux qui disent Allah Azza wa Jal n'est pas sur le ciel, Jazakallahu khair, va dans une salle où on dit Allah Azza wa Jal n'est pas dans le ciel, tu te trouveras là-bas. Moi je parle avec des gens qui disent je suis salafi, qui disent je voudrais suivre le prophète alayhi sallam, sahaba, ibn Uthaymin, ibn Baz, ibn Taymiyyah, ibn Uqayyim, Sheikh Saadi. Ceux qui suivent cela se reconnaissent, sont dans la salle. Toi je comprends que tu as une aqida un peu déviée, quand tu as une aqida de Ash'ari, tu les défends. Va inshallah ta'ala dans une salle où tu te trouveras. Je voudrais pas te choquer ni que tu me fasses ici des problèmes. Bila salafi tfadhal barakallahu fik. Salam alaykoum rahmatullah. Naam, Rachid c'est pas l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça on dit pas Abd al-Rashid. On dit pas Abd al-Rashid. Comme on disait directement Haroun al-Rashid. On dit pas Haroun Abd al-Rashid. Tu dis directement d'un frère ou là tu dis Rachid et tu dis pas Abd al-Rashid parce que Rachid c'est pas l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Msakina tfadl. Inch'Allah ta'ala pose deux, Inch'Allah après tu poses les deux autres, pose deux. Bilal barakallahu fi. Vous avez dit qu'il y a plusieurs bords, des milliers de paradis. Pourriez-vous vous expliquer cela? Sual Oul? Non, il n'y a pas de Sual Oul. Pourriez-vous me dire, vous avez dit qu'il y a plusieurs bords, des milliers de paradis. Pourriez-vous expliquer cela? Car j'ai entendu qu'il y a 7 degrés de paradis. Quant à la première question, moi je ne connais pas qu'il y a 7 degrés de paradis. Je sais que le paradis a 8 portes. Certains paradis ont été cités, comme Jannat al-Adn, al-Firdaws, al-Ma'wa, tous ces paradis ont été cités dans le Coran. Je voulais dire qu'il y a beaucoup d'autres qui n'ont pas été cités. Moi, quand j'ai dit des milliers, ça veut dire que c'est pas qu'il y a des milliers, milliers, milliers. Ça veut dire façon de dire qu'il y en a tellement que l'Azul a choisi certains et les meilleurs. Mais quand on sera, Inch'Allah Ta'ala, là-bas, il y en a même qui seront dans, à l'intérieur du paradis, il y a des paradis. À l'intérieur du paradis, il y a ce qu'on appelle Bessatin. Si on traduit, ça donne, yani, comme ça, paradis. Dans le Coran, du moins la traduction française, souvent le pronom nous est employé. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi? Non, l'Azul, quand il dit nous, des fois il parle de lui, hein, les ta'lim, il dit nous. Et des fois il parle des anges, il dit, il emploie les anges, il dit nous. Des fois l'Azul, quand il dit nous, c'est quand tu reviens au Tafsir, tu reviens au Kathir, etc., il t'explique, est-ce que nous ici, quand il a dit nahnu, elle, il veut parler de lui, l'Azul, ou Azamatihi, ou bien des fois il fait partie, il fait rentrer les anges à l'intérieur de nous. Quand il a dit, par exemple, dans le Coran, il a dit wa nahnu aqrabu ilayhi min habli al-walid, wa nahnu aqrabu ilayhi min habli al-walid. Si tu reviens à Ibn Kathir, al-Qurtubi Tabari, tu trouves que c'est les anges, c'est les anges qui sont près de hadik, comment ça s'appelle, jugulaire, la veine jugulaire. Donc c'est d'après le siyaq, on lit le siyaq, et si on a du ilm, etc., on peut comprendre s'il veut dire l'Azul, il parle de lui, ou bien il parle d'autres qu'il a fait rentrer dans le nous. Naam, Abu Muhammad, tafaddal, barakallahu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu sautes? Naam. أخت فرنسية أسلمت منذ شهر وتريد أن تتزوج مع أخ والأب أبو هذه البنت يعني من المغرب وهو يعني لا يصلي فقط يعني يصوم فتقول هذه الأخت هل يستطيع أبوها أن يكون وليها لأنه لا يصلي وفقط يصوم وأبوها كذلك يعني يقول لها أن الحجاب ليس عن فرض فتقول هل يستطيع أبوها أن يكون وليها فإن لم يستطيع عندها عمها يعني في الدين هو يصلي كذلك فتسأل عن الولي كيف تفعل بارك الله فيك فيك بارك الله en ce qui concerne le wali, celui qui ne fait pas la prière, c'est d'après وشرح يعتقد ما هو الاعتقاد في تارك الصلاة. Parce que les ulama ont divergé, est-ce qu'il est kafir ou il n'est pas kafir. Tu sais que la plupart des grands ulama de Saoudite disent il est kafir, et d'autres comme Cheikh Al-Albani hafidhahullah rahimahullah dit il n'est pas kafir, et Cheikh Ibn Taymiyyah il a dit khassasnah bil imtina, il a dit il devient kafir si le gouverneur le prend, il lui dit je vais te tuer si tu ne fais pas la prière, il dit je ne la fais pas. Il a dit ici il devient kafir. Et moi bien sûr je prends de l'avis, je penche de l'avis à l'avis de l'Albani, ça veut dire que tant qu'il ne la nie pas, il est musulman. Tant qu'il ne la nie pas, il dit je reconnais qu'il y a la prière, mais seulement Inch'Allah je vais la faire, ou là Inch'Allah plus tard, ou là quand je me marie, ou là quand je vais au Hajj, etc. Je penche à la vie qui dit que Inch'Allah Ta'ala il n'est pas kafir. De toute façon, si elle atteste, elle ta'taqid annahu kafir, fa inna al-wilaya tantaqil min al-ab ila al-ikhwa, tantaqil min ab, parce que fihi ubuwa thumma bunwa li fils thumma li frères thumma al-a'mam, hakadha tamshi. Fa si elle atteste qu'il est kafir, elle peut, bien sûr, si elle était par exemple déjà mariée, elle aurait mis son fils comme wali, mais puisqu'elle ne s'est jamais mariée, elle peut faire par exemple un frère. Elle peut faire un frère comme wali. Si elle n'a pas de frère, elle fait amma, son oncle. Si elle n'a pas son oncle, elle n'a personne, elle peut sultan waliyuha. Sultan, ça veut dire si elle vit dans un pays musulman, le gouverneur qui a des imams dans la mosquée par exemple, où là il a des gens hein, qui font la fête, etc., ceux-là peuvent la marier. Maintenant, si elle vit dans un pays de coffre où il n'y a pas le gouverneur, n'est pas musulman, elle peut aller dans un centre islamique. Un centre islamique où il y a quelqu'un qui représente les musulmans, et celui-là, il peut la marier, parce qu'en islam, il n'y a pas une femme qui ne se marie pas. Dans tous les cas, il faut trouver la solution, et l'islam la marie dans tous les cas. L'islam la marie dans tous les cas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Habiba radiallahu ta'ala anha était en Éthiopie, et que son mari est devenu chrétien, son mari irtad wa asbah nasraniyan, من الذي زوجهم حبيبة رضي الله تعالى عنها من الذي زوجها برسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي le gouverneur النجاشي c'est lui qui a marié حبيبة la fille de Abu Sufyan avec le prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم c'est pourquoi Abu Sufyan n'était pas encore musulman c'est le gouverneur qui était un musulman النجاشي qui a marié حبيبة au prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم parce qu'elle n'avait pas quelqu'un qui pouvait la marier là-bas. تفضل والله تعالى اعلم. تفضل مسلم. Muslim m'a dit, comme salam rahmatullah, hayyakallah ya shaykh, je voulais savoir quelles étaient les preuves nous permettant de jurer sur le Coran. Barakallahu fik, et je voulais savoir quels renseignements sur le groupe des Habash, quelles sont leurs plus grosses erreurs et égarements. Quels sont leurs plus gros erreurs et égarements. Snatchouf, avant de te répondre, je vais te dire quelque chose. Je vais voir dans la liste. Nan. Toi, quand tu as posé ta question, celui qui faisait le djidal auparavant, il est maintenant sorti. Juste, tu as posé ta question, il est sorti. Pourquoi? Parce que lui, c'est un ahbash. C'est quelqu'un des ahbash. C'est pour ça qu'il est sorti. C'est pour ça qu'il a voulu faire le djidal. C'est pour ça qu'il a voulu faire tromper certains gens ici, pour qu'ils ne disent pas que Allah Azza wa Jalla se trouve sur le ciel. L'ahbash, comme tu dois le savoir, ce sont des gens très très égarés, qui suivent quelqu'un qui s'appelle Abdullah al-Habashi, qui a beaucoup, yani son asluhu min al-Habasha, mais il a beaucoup vécu au Liban. Et cette secte se trouve beaucoup au Liban. C'est une secte égarée qui dit que les grands ulama, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim, tous sont des kuffars. Ce sont des gens qui n'attribuent pas à Allah Azza wa Jalla les noms et les sifats. Quand on dit Allah Azza wa Jalla a une main, il dit non, il n'a pas de main. D'ailleurs, vous entendiez tout ce qu'il disait, que comment tu dis Allah est au ciel, ensuite il voulait montrer que je me contredisais. Une fois tu dis au ciel, ensuite tu dis les cieux, ensuite tu dis cela. Ça veut dire pourquoi? Parce que lui, c'est un ahbash, ça veut dire qu'il dit que Allah Azza wa Jalla n'a pas de nom, il n'a pas d'attribut. Pourquoi? Parce qu'il les falsifie. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. En ce qui concerne la preuve qu'on peut jurer sur le Coran, bien sûr, si tu veux revenir au livre de شرح الشرح attends شرح الوسيطية نعم شرح الوسيطية de Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit là-bas qu'on peut jurer sur Allah subhanahu wa ta'ala sur le Coran. Et moi, je vais te dire pourquoi les ulama disent qu'on peut jurer sur le Coran. Bien sûr, à condition que on ait l'intention dans le cœur que ce n'est pas le Coran le livre, hein, ça veut dire kalam Allah, la parole d'Allah qui est à l'intérieur. Pourquoi on peut jurer? Parce que on ne jure en islam qu'avec quelque chose qui est un nom à Allah ou un attribut. On ne peut pas jurer avec quelque chose qui a été créé. On ne peut pas jurer avec le ciel, ou là je jure par mon père, ou là ma mère, ou là ma voiture, ou là ma vie, ou là le Kaaba. On ne peut pas. On ne jure que sur quelque chose que qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas été créé. Et puisque la parole d'Allah n'a pas été créée, puisque le Coran ليس مخلوقا هو كلام الله وهو صفة صفة فعلية وصفة ذاتية فلهذا جاز أن نحلف به جاز عفوا أن نحلف به وأن نقسم به وهذا هو إن شاء الله تعالى الصحيح في هذه المسألة. هذا دليل إذا أقسمت بالقرآن هذا دليل أن القرآن عندك ليس بمخلوق. أما الذي يمتنع فلأنه يعتقد أن القرآن مخلوق والعياذ بالله. والله تعالى أعلم. تفضل رياض. تفضل رياض خذ اللاقط بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الاستواء سان اتريبيو دو لاكت و ان اتريبيو ان اكسي الله. يعني باللغة العربية هل الاستواء هل هو صفة ذاتية ام صفة فعلية؟ اما العلو فهو صفة ذاتية كما لا يخطأ. اما العلو ليليفاسيون دو الله عز وجل سي صفة ذاتية سان اتريبيو سون اسونس دو سون انتيتي ذاتية. اما Toi tu parles de l'istiwa, amma l'istiwa, فإن العلماء مختلفون في هذا والذي ذهب إليه صالح الشيخ أنه الإثنان. يعني أن الله عز وجل استوى ثم استوى، لم يكن مستوين ثم استوى، وهو علو خاص، هذا صفة فعلية لأنه استوى، لكن بعد ما استوى بقي دائما مستويا، فمن هذا المنظر تكون صفة ذاتية. فهو استوى أولا ثم استوى، فالاستواء صفة فعلية، ثم ما زال ولا يزال مستويا فهو بهذا الاعتبار صفة ذاتية. وتستطيع أن ترجع في ذلك إلى شرح الواسطية للشيخ صالح الشيخ، والله تعالى أعلم. تفضل أبو أحمد بارك الله فيك. Salam alaikum. Il y a du son, Akhi ? Vous avez du son ? Ma question, en fait, c'est une personne qui demande : doit-on rentrer dans l'islam sous prétexte de son nom, une personne maghrébine vivant en terre de mécréance et ne reflétant pas extérieurement, on ne voit pas que c'est un musulman ? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit attendre qu'une telle personne nous prouve son islam, ou peut-on dire qu'elle est musulmane juste le fait que par son origine, en fait. Je sais pas si tu as bien compris ma question. Barakallahu fik. Ouais, je répète ma question, c'est: doit-on rentrer dans l'islam, dire qu'une personne est musulmane par ses origines, ou on doit attendre qu'elle nous prouve son islam? Si par exemple on rencontre en France, nous on vit en France, si par exemple en France on rencontre une personne qui s'appelle par exemple Sofiane, et extérieurement il ne porte pas le kamis, il n'a pas la barbe, etc. On voit pas que c'est un musulman. Est-ce qu'on doit attendre qu'il fasse un acte de l'islam, ou on considère qu'il est musulman jusqu'à ce qu'il nous prouve le contraire? Non, j'ai compris, barakallahu fik. Smahli faqat, avant que je te réponde, faqat, je me permets de m'excuser auprès de toi. Je réponds très vite à Riyad parce que je lui ai répondu en arabe alors qu'il ne comprenait mieux qu'en français. Riyad, j'ai dit que Allah Azza wa Jal, auparavant, il ne s'était pas encore établi sur le trône. Hein, il a créé le trône, ensuite Sommester, ensuite il s'est établi. Quand il s'est établi, il a fait son établissement, c'est un acte comme attribut qui revient à l'acte, c'est Fafi'liya, parce qu'il s'est attribué, il a fait quelque chose, c'est Fafi'liya. Mais après s'être établi sur l'acte, sur le trône, pardon, il sera toujours établi. En ce sens, ça devient un attribut qui revient à lui. Un attribut vati et non pas fi'li. Donc conclusion, l'istiwa c'est vati et c'est fi'li, ça revient à Allah et ça revient à ses actes, c'est les deux à la fois, c'est les deux à la fois, comme l'a dit le Cheikh Salah al-Sheikh fi Sharh Kitab al-Wasitiya. Quant à Akhi, tu m'as posé la question, Akhi Abu Ahmed, Akhi Abu Fika Barakallah, Akhi Abu Ahmed, les ulama disent c'est d'après le pays où on vit. D'après le pays où on vit. Quand tu vis en Arabie Saoudite, tous sont musulmans jusqu'au contraire. Quand on vit dans un pays comme l'Arabie Saoudite, quiconque te parle et tu sais que c'est un Saoudien, tu marches que c'est un musulman jusqu'à preuve du contraire. Quand tu vis en Russie, tous sont des athées jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que quelqu'un te dise non, moi je suis musulman. C'est comme ça que disent les ulama. Tu vois, yani, tu marches d'après le pays où tu es, et d'après la majorité, qu'est-ce qu'ils sont. Mais maintenant, c'était comme ça, ça a été toujours comme ça. Ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle la diversification, je ne sais pas comment on dit, des nationalités, des djaliyettes. Maintenant, par exemple, en France, la plupart, par exemple, c'est des kofars, mais tu peux trouver des endroits où il n'y a que des musulmans, par exemple. Des endroits djaliyettes, ça s'appelle djaliyettes musulmans en France, djaliyettes musulmans en Allemagne, djaliyettes musulmans en Amérique, djaliyettes nasraniyettes en Soudan ou là, qu'est-ce. Maintenant, quand tu vas vers la communauté, tous ceux qui sont dans la communauté suivent cette communauté. En France, si tu vas vers le côté communauté musulmane, tous ils sont des musulmans, jusqu'au contraire, et ainsi de suite. Mais maintenant, quand on veut, tu sais que par exemple, je vais donner un exemple, par exemple en Algérie, je marche que tous sont des musulmans, jusqu'au contraire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, dans certaines choses, par exemple, j'ai un mariage, je cherche quelqu'un, je dois avoir deux chouhoudes, ça, je dois avoir deux chouhoudes. Le hadith a dit والشهيدي عدل العدالة هنا العدالة الظاهرة ليست الباطنة ما معنى الظاهرة صديق الإسلام الإسلام يعني c'est pas qui qu'on va chercher dans le cœur l'islam comme ça ظاهر par le fait que quelqu'un soit algérien c'est un pays musulman donc il est musulman donc je vais pas lui dire si tu fais la prière si tu fais ça pour que tu viennes témoigner avec moi mais il y a d'autres choses où on doit savoir d'abord s'il est musulman. Pourquoi? Parce que dans un pays comme l'Algérie, il peut y avoir des athées, il peut y avoir quelqu'un qui s'appelle Omar et qui est chrétien. Donc il y a des choses où on doit savoir, on est obligé de savoir s'il est musulman ou pas. Et il y a d'autres choses où on marche avec la totalité des gens. Mais par exemple, un Algérien en France, voilà. Toi tu prends de l'Algérien, l'Algérien tu veux dire qui est né là-bas ou là tu veux dire qui était en Algérie, il est parti en France. Est-ce que l'Algérien qui est né là-bas, il dit je suis Algérien ou là, né en France? Quand il est né en France, ça n'a rien à voir avec l'Algérien. Il est né en France, il vient en France. Il y a certains qui disent moi je suis Algérien, mais en fin de compte il n'a pas de relation avec les Algériens, ni avec leur habitude, ni avec leur dîme, ni avec... C'est pour ça que yani, tu peux demander. Je sais. Même extérieurement, il ne ressent pas. C'est pour ça que si, par exemple, tu vas le marier avec une sœur ou là, il faut demander. Il faut demander, est-ce que, par exemple, tu fais la prière, est-ce que... Enfin, il y a des choses avec lesquelles on peut tester. On peut tester quelqu'un pour savoir s'il est musulman ou s'il ne l'est pas. Maintenant, si on n'a pas de relation avec cette personne, c'est pas la peine que je sache s'il est musulman ou pas. Si j'ai des relations avec elle, je vais le marier ou bien je vais faire quelque chose avec lui, ça je suis obligé de savoir quelle est yani, sa position vis-à-vis de la religion. والله تعالى أعلم. C'est un peu complexe. الله تعالى أعلم. C'est comme ça. والله أعلم. تفضل فوزي. Alaykoum salam wa rahmatullah. Au sujet du rasage de la moustache, je connais l'avis d'Imam Malik qui dit que c'est une bid'a, voire fait al-Bani. Mais y a-t-il divergence? Si oui, quels sont leurs dalils? C'est devenu une caractéristique des tablir. Jazakallahu khairan. Non seulement des tablir, mais c'est aussi de beaucoup, ma'al asaf, beaucoup d'Égyptiens. Beaucoup d'Égyptiens, ma'al asaf, se rasent toute la barbe. Pardon, la barbe. Sera toute la moustache mal assez. Ce que je sais de l'imam Malik, c'est que ce que j'ai lu, c'est qu'il frappait tazer, il frappait 5, 6, 7 coups sur le dos pour avoir enlevé la moustache. De toute façon, quels sont les dalils? Moi je te donne le dalil que la moustache on ne la rase pas, on enlève beaucoup d'elle mais on ne la rase pas, on n'enlève pas jusqu'à ne rien laisser, de façon à ce que si on voit quelqu'un yani il nous paraît étrange, son visage nous paraît étrange. D'ailleurs même moi je m'étonne, je dis toujours ici à ma famille, comment quelqu'un peut-il enlever au point yani il ne peut pas se voir dans le miroir, il ne voit pas qu'il a changé, sa femme ne voit pas qu'il a changé. C'est pour ça que l'imam Malik al-Rahmatullah, pourquoi il frappait, il disait Mousla, il disait il a fait une Mousla. Ça veut dire Mathala. Mathala, c'est quand on, par exemple, on tue quelqu'un, on lui coupe son nez, on lui crève les yeux, on lui coupe les oreilles. On dit il a fait une Mousla. Alors quand quelqu'un enlève rase la moustache, c'est comme si il avait changé sa créature. Enfin, Abu Daoud, fi sunanihi, روى حديثا صححه الشيخ الألباني في إرواء الغالب وفي صحيح سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم a vu المغيرة بن شعبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم a vu المغيرة بن شعبة et il avait une moustache qui descendait sur ses lèvres. Il a vu la moustache de المغيرة qui descendait sur les lèvres. Il lui a dit: هل تريد أن أقصها لك على سواك؟ Est-ce que tu veux que je te coupe la moustache, ta moustache, à la siwak, sur le siwak? Bien sûr, il a accepté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris un siwak, il l'a mis sous la lèvre de Mughira ibn Shu'ba et il lui a coupé la moustache. Donc, qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a pas rasé la moustache. Il a laissé la moustache en haut, il l'a coupé par le bas. Ça veut dire, il a mis un siwak au-dessus de sa bouche. Et il a commencé à couper avec je ne sais pas quoi, une lame ou des ciseaux ou un morceau de fer, je ne sais pas. Mais l'essentiel c'est que la sunna, c'est qu'on n'enlève pas toute la moustache, mais on enlève ce qui descend sur les lèvres. Et si on a une grosse moustache comme ça, elle n'est pas en haut, on peut enlever comme ça avec des ciseaux, etc. Mais on laisse quelque chose, on peut voir qu'il a une moustache et on ne la rase pas. Wallahu ta'ala a'lam. À qui il t'aurait t'fadal inshallah le prochain. Il y a certains qui n'ont pas encore posé de questions. Ensuite inshallah les autres, ceux qui ont déjà posé peuvent poser après. T'fadal Ibn Abdallah t'fadal. Bon, salam alaykoum salam. Je souhaite ouvrir un commerce sur internet. Que penses-tu des comptes bancaires? J'ai entendu dire que certains savants interdisaient d'avoir un compte à la banque. Ça aide la banque à tourner. Mais si je ne propose pas de paiement par carte bancaire, je ne vendrai rien. Les gens ne me paieront jamais en liquide. Barakallahu fik, le m'éclairer. Akhi Ibn Abdullah, ta question est un peu difficile, wallah. Ta question est un peu difficile. Khalin, inshallah, laisse-moi chercher un peu. Laisse-moi un peu chercher ce qu'ont dit les ulama dans ta question. Inch'Allah, je vais te donner la réponse. Laisse-moi, inshallah ta'ala, un peu chercher. Et je vais, inshallah ta'ala, te donner la réponse bientôt, inshallah ta'ala. Inch'Allah, dès que j'ai la réponse, je la donne. Inch'Allah, peut-être demain, je vais commencer à chercher. Dès que j'ai, inshallah, une réponse, je te la donne, inshallah ta'ala. Tfadl, l'ozer, tfadl. Akhi Lozer, qu'est-ce que ça veut dire légiférer? Invocation doua, légiférer, qu'est-ce que ça veut dire? Yani sharia ou la yani ma'thura? Qu'est-ce que ça veut dire légiférer? J'ai pas compris, barakallahu fik. D'accord, j'ai compris, Mouchroa. Naam. Naam, j'ai compris. Les ulama disent, de préférence, on cherche le ma'thour. De préférence, on cherche le ma'thour. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ça, c'est de préférence. Mais ce n'est pas obligé quand on n'est pas dans une ibada. Par exemple, on n'est pas dans une salat. Par exemple, moi, je suis maintenant chez moi. Je vais par exemple lever mes mains, je vais faire un doua. Par exemple, si j'ai quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tu as dit, légiférer, je commence par elle. Parce que c'est la meilleure. Car personne ne connaît Allah azza wa jalla mieux que lui, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui sait choisir. Non, même pendant le sujoud, si tu as quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le dis. Si tu n'as pas, tu dis quelque chose personnel, c'est permis. Ce n'est pas interdit. Tu dis quelque chose personnel, c'est permis. Tu dis par exemple, Allahumma as'aluka matalan an tu'inani hatta atazawwaj wala kada. Yani, c'est inshallah ta'ala permis. C'est inshallah ta'ala permis. Il n'y a personne qui dit que c'est interdit. Il faut que tu ne dises que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais le ulama on dit, si tu commences par ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux. Pourquoi? En même temps, c'est une adoration, tu as un ajr, et deuxièmement, tu as beaucoup de chances d'être exaucé. Mais si tu veux dire des choses comme ça personnelles, et que le prophète Ali n'a pas dit, maintenant, si c'est pas qata'at rahim, si c'est pas yani, quelque chose d'interdit, et si c'est pas i'tida fi du'a, yani, si tu dépasses pas les limites, comme certains disent par exemple, oh Allah, je te demande que tu me rendes éternel, par exemple. Je te demande que tu me rendes éternel. Ça, c'est pas permis. Pourquoi? Parce que ça s'appelle i'tida, tu as dépassé les limites dans le doua. Donc voilà une preuve que quiconque ne dépasse pas les limites dans les doua, il peut faire des doua, inshallah ta'ala, et c'est permis. Wallahu ta'ala a'lam. Abdelkader des Émirats, tfadl. Loser, fika barakallah. Je vais ouvrir le PV pour que Abdelkader m'envoie son PV. Abdelrahman, qui n'a pas encore posé de question. Abdelrahman, tfadli. Abu Mohamed, je ne savais pas que tu avais ta question. Mais allez, je vais te donner la inshallah, ensuite on descend. Sakina, on descend. Pardon, une seconde, je vais prendre une minute pour ouvrir le PV, Inch'Allah. Pardon, une seconde. Bon. Ouba Abdelrahman a dit, salam alaikum, pouvez-vous m'éclaircir sur le port du pantalon par la femme chez elle, devant son mari, est-ce permis, barakallahu fikum. En ce qui concerne le port du pantalon, les ulama ont divergé. Certains ont dit c'est permis. Pourquoi? Parce qu'elle est avec son mari et elle est libre. Certains des grands ulama, j'ai oublié qui, peut-être Cheikh Ibn Uthaymeen, peut-être j'ai oublié qui, mais certains des grands ulama ont dit si c'est un pantalon avec son mari, c'est permis. Et d'autres ont dit non, surtout si le pantalon, yani, c'est un pantalon par exemple à la mode, etc. Pourquoi? Ça fait tishbih des kafirettes. Par exemple, si elle va mettre un blue jeans serré, etc., ça veut dire que même avec son mari, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est fait ressembler aux kafirettes. C'est pour ça que, yani, je ne sais pas exactement quel est le plus juste. Certains l'ont permis et certains ne l'ont pas permis. Voilà, je ne sais pas, ma soeur, peut-être que le moyen, c'est de le laisser, ne pas le porter. Inch'Allah ta'ala, on va chercher encore plus, Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Abu Muhammad ta'ala. Bismillah. Salam alaikum, tu sautes. Ma'am. Le français awalem. Salam alaikum. Une sœur demande est-ce qu'elle peut faire muqabala sans mahram dans un centre commercial ou un lieu public. Waqt tashal, hal tastati' an taf'al muqabala bidoun mahram, yani fi dukan ou fi وسط الناس. بارك الله فيك.